quelqu'un veut peut-être sortir. Bravo les super-héros, vous êtes bien tous les mêmes. Les super-héros d'Indestar, c'est les Peck Avengers. Jusqu'à très tard ce soir. Jusqu'à 23h, 23h30. Oui. Tant qu'il fait jour. Ouais, c'est ça, tant qu'il fait jour, tout va bien, tout baigne. Et vous, tout baigne aussi quand si on reste tant qu'il fait chaud, par contre, on va rester longtemps. Ouais, c'est vrai que la chaleur, c'est pas exceptionnel. Surtout. Bah, on fera une émission 24-24, hein, c'est pas grave. Hein. 24 heures chrono. Ouais. Vu que pop culture, forcément. Bah oui. Oui. Mais on le fera plusieurs fois de suite. Peut-être qu'on en parle de cette série un jour, d'ailleurs. Ah, c'est vrai. 24 heures. Oui, nous allons refaire la série 24 heures de live. En 24 minutes. Ouais, ça va être. Voir les ingrédients qui font le succès et qui font d'ailleurs le succès des séries d'aujourd'hui. C'est-à-dire quand tu commences à regarder, tu peux pas regarder un épisode. Ah non, faut que je vois la suite et encore. Non, c'est ça. Tu prends à regarder des heures. Quoi. C'est un peu comme tout quand même. C'est même un jeu que tu commences, tu te dis ce chapitre il était bien, donc faut que j'aille faire la suite tout de suite. Ah, tu t'arrêtes au chapitre toi ? Non. Moi souvent quand je commence un jeu, je le fais en Mais comme Indestar, tu viens pour faire le ménage, après tu fais la peinture, après tu fais une émission. Et après tu repars plus, c'est fini. Voilà. Il y a toujours des travaux à faire. C'est vrai. D'ailleurs, si vous aimez la radio, si vous avez envie de découvrir la radio, c'est possible. Oui, on peut venir si vous êtes d'Amboise ou du coin aussi. On peut dire des environs éventuellement aussi pour. Oui, parce qu'il y a peut-être une ville qui s'appelle Du Coin et qui est à l'autre bout. Hein. Maintenant, il y en a une qui s'appelle peut-être des environs aussi. Hein. Ouais. En tout cas, n'hésitez pas, la porte est grande ouverte et on vous accueillera avec grand plaisir. C'est physiquement vrai. Ouais, oui. Parce que là, il fait chaud. Ouais, clairement. Ouais, il fait trop chaud. Et puis, il y a quelque chose à dire aussi, c'est que Daniel, qui est maintenant correspondant avec la NR, nous a fait un article sur la radio. Mais comment cela pète ? J'ai lancé mon crayon tellement. Ouais. Si vous voulez savoir comment ça se passe, il faut lire l'article. Puis, il y a une belle photo avec les gens qui participent au jeu radio. L'article est surtout là pour décrire ce que fait la radio, tout le travail de formation que fait la radio, hein, qui est quand même un petit peu l'objectif à tout le monde, de permettre aux gens d'apprendre à avoir une certaine élocution, d'être à l'aise en public, de pouvoir parler avec des gens, et c'est surtout là, vraiment pour dire, insister, pour dire aux gens, quand on dit venez nous voir, vous allez faire des choses formidables avec nous, et ben oui, vous allez les faire. C'est pas faux. Vous pourrez retrouver cet article dans le journal de la NR d'Amboise. Oui. Mais c'est d'ailleurs plus c'est généralement le centre. Mais oui. Ouais, non mais oui, je suis d'accord. Indestar et Amboise sont le centre. En effet, il y a aucun bien doute. Bien sûr. Surtout les PK quand j'ai même. Un complexe parisien. Non, mais. Ouais, mais c'est pas le vrai centre. Si vous êtes, ce qui est marrant, si vous êtes un artiste aussi, parce que ce que tu décris dans l'article, la première chose, c'est la mission de la radio. C'est de promouvoir les artistes émergents, c'est ça. Émergents, oui, surtout émergents qui ne sont pas connus, qui sont en mal de visibilité, comme on dit, et qui veulent avoir. Minatal, Gifla, Romain Ghetto. Ouais. Ça, c'est du gratin qu'on a sur Indestar. Donc, oui, vous pouvez les retrouver là sur Indestar. D'ailleurs, entre guillemets, vous pouvez aussi nous voir, parce que dans la NR, il y a une photo, mais vous pouvez aussi nous voir en live Twitch. Oui. Alors, peut-être pas ce soir. Non, pas ce soir. Pas de bol, c'est raté. C'est. Mais, la en règle générale, oui. Oui, mais. Ce soir, ils ont droit aux grand-père et grand-mère là, qui défilent en vidéo, là, si. Ça, c'est pour Actu Solide qu'ils ont la grand-mère. C'est pas pareil. Oui, je crois que tu as lâché quelque chose en parlant du live Twitch. On va petit à petit, apparemment, intégrer une séquence. Une séquence, je dis bien, live Twitch à l'émission. Oui. Dès qu'on arrêtera de transpirer. Oui, parce que là, on est un peu dans la piscine. On n'est pas très beau, là. En réalité, si le soleil pouvait arrêter, ce serait bien aussi. Franchement, les cocotiers de ma chemise hawaïenne sont dans l'eau. Alors, c'est vous dire. Mais ça masque le stress, en fait. Tu peux être stressé, ça se voit pas. La nature se dégrade, mon Dieu, que cher. On va en revenir à la nature, vu que la pauvre. Il fait chaud en ce moment. Elle nous donne soif. C'est pour ça, d'ailleurs, que dehors, il fait un petit barbecue. Oui, c'est vrai. Faut un barbecue. Et donc, on va en revenir à la nature quand même. Vu que ça peut être pas mal quand même d'un peu recentré. C'est pas faux. Vous savez que j'ai goûté des cerises aujourd'hui. en baladant, je suis tombé sur un cerisier qui avec des gros bigarreaux blancs là. C'était super. Oh, c'est bon. Et il y en avait pas beaucoup, mais je peux vous dire que j'ai attrapé. Hein. J'ai été défoncé. C'est ça, ouais. C'est totalement ça. Ouais. Ça tombe bien que tu parles de fruits. Oui. Parce que j'avais une petite idée. Avant même de lancer l'émission, j'avais envie qu'on fasse un petit jeu. Ah. Oh. Si ça vous intéresse. On va récolter des fruits. Ah. Bah oui. On le fait tout de suite. Oui, t'as dit en parlant de fruits. Non, on peut le faire après quand même. Après. Un petit peu. Ouais, expliquer ce qu'on a fait de la semaine, par exemple, ça peut être pas mal. Ok, je le fais. Ah, après, l'oignon que j'ai sur la gueule. Alors, par exemple, alors, oui. Thierry, mais dis donc, pourquoi as-tu un oignon sur la gueule? Non, mais comme on si... l'avait pas vu. Comme s'il fallait toujours tout faire ce à quoi tu penses en même temps. Et tu vois, je me suis dit, tiens, j'ai un petit peu de temps, ça va me détendre, je vais prendre un rendez-vous chez le coiffeur. Puis en prenant le rendez-vous chez le coiffeur, je me dis, ah ouais, mais avec la chaleur, ouais, j'ai quand même relevé les yeux des poules, machin. Et donc j'ai fait ça vite, je me suis cogné dans le poulailler de merde et je me suis fait un super nom sur la gueule. Voilà. Et donc très marrant parce que ça s'est né, donc j'ai mis un pansement, je suis arrivé chez le coiffeur et je me suis dit, si la nana me demande pas ce qui m'est arrivé, je lui explique pas. Mais bon, j'ai eu un peu de retard à mon rendez-vous chez le coiffeur. Parce que j'ai dit, je vais pas y aller en sang quand même. Ouais. Excellent. Ouais. Ouais, c'est souvent la coiffeuse qui met du sang. Non, j'ai. je plaisante. Quand ma coiffeuse est très bien. Oui, c'est surtout ça. Oui. Mais d'accord. Ouais. Et toi, Kevin? Alors, moi, mis à part les lives et qu'il faisait trop chaud, pas grand chose. Tu live à quoi en ce moment? Alors là, hier, j'étais en live sur Among Us. Ah ouais? Ouais. Ouais, mais c'est marrant. Bah oui, oh, tu sais, c'est fun. Surtout quand tu joues avec ton frère, que t'arrives et que tu le poignardes dans le dos. C'est génial que tu l'as mis juste avant qu'il te faisait confiance et que t'arrives, c'est trop bien. Rappelle les enfants ne faites pas ça à la maison. Oui. Alors oui. Among Us, oui, donc, c'est un jeu. Oui, évidemment, oui. Donc c'est un jeu où on est dans un vaisseau où souvent qui se joue à 10 quand même, c'est mieux. Et dedans va y avoir des imposteurs. Et le but des imposteurs, ça va être de tuer les autres personnes. Et les autres personnes vont devoir découvrir qu'ils ont les imposteurs. C'est un genre de loup-garou version jeu vidéo. Voilà, c'est ça. C'est un loup-garou en jeu vidéo. Et toi, t'es imposteur avec Kevin. Hein, alors le problème, c'est. Tu le choisis pas. Ah, voilà, c'est aléatoire. C'est aléatoire. Ah, sinon, tu serais toujours imposteur, toi. Ah bah, moi, oui. Ouais. Moi, oui. Ça. Imposteur, c'est quelqu'un qui met les timbres sur les lettres, c'est ça? C'est ça. Ouais. Non, là, c'est imposteur en un seul mot. Un deux, imposteur. Ouais, ouais, imposteur. C'est un imposteur, ouais. C'est quelqu'un de petite taille qui met les timbres. Merci, Teddy. Non. D'ailleurs, tiens, au lieu de raconter des conneries, qu'est-ce que t'as fait, toi, de ta semaine? Moi... Du pain. Oui. Du pain, notamment, j'ai le bord des recettes. C'est pas lui qui a mis un pain à Thierry, là, parce qu'il a des nions. Raté. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Non, des moi, pains. J'ai mis une tradition. Des pains complets en Paris. Oui, j'ai mis du pain. J'imagine le gars qui déclenche une bagarre, je vais te mettre un pain. Je peux avoir une tradition? T'inquiète pas, elle va être traditionnelle. Ouais. Je fais des brocantes aussi, beaucoup en ce moment. Ah ouais, c'est la saison. Je t'ai vu. C'est vrai? Elle te l'a pas dit, ta femme? Parce que je sais pas si elle me... Non, mais après, je sais pas si elle m'a vu au moment où je t'ai vu. Je lui ai dit, ouais, je vais pas les déranger, mais ouais, je suis allé à Posser aussi. À Posser, ah oui. Ah oui, bah, comme ça. Ouais, en fait, Thierry s'est dit, je les vois déjà le jeudi soir, alors ça va, je vais pas recommencer. Il s'est caché derrière. Hein. On n'est pas obligé d'aborder aussi les gens, mais par contre, on serait croisé du regard. Ouais, je t'aurais fait... Tu me payes un coup? Génial. Mais ouais, je fais les brocantes, je cherche des cartes Pokémon ou Yu-Gi-Oh. Ah. Tu t'y as remis? Oui, non, enfin oui. Oui, Yu-Gi-Oh, je collectionne toujours en fait, depuis toujours, mais ouais. D'accord. Dès que j'ai l'occasion, j'essaye d'en acheter. Parce que. Parce que c'est bien. Parce que, ouais. Voilà, parce que j'achète. Voilà. Parce que c'est bien. C'est... Parce qu'il a quelques pièces de monnaie qui le dérange dans la poche, ça le gêne, alors il les vire. Après, je revends certaines cartes. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, quand tu collectionnes, d'échanger, de revendre. Tu achètes, tu revends. C'est ça. Ouais. C'est toi, Daniel, tu as fait quoi de ta semaine? Moi, je vais surtout dire que ce soir, je suis en mode pas de tête, hein. Oui, bah ça. Ah putain, ouais, oui. Ouais, parce que. Tu cumules les allers-retours. Oui, j'ai été plusieurs fois chez moi parce que j'ai commencé par oublier. Sa clé USB. C'est ma clé USB sur laquelle il y avait besoin de choses pour ce soir. Oui. Je retourne chez moi et comme un andouille, j'avais pas pris la clé de chez moi, donc je suis retourné encore chez moi. Voilà, et puis c'était pas la première fois de la journée où j'en ai fait d'autres dans la journée. Tu devrais tout mettre sur un cloud. Moi je déteste ça, mais limite on peut récupérer. Je crois que. Non, mais c'est que d'habitude c'est envoyé avant à Teddy, et puis là j'ai oublié de le faire en plus. Hein. Oui. Ah bah bravo. Je vais en profiter, tiens, d'ailleurs, pour faire un petit coucou parce qu'en sortant de la maison j'ai croisé Jocelyn. Oui. Qui m'a dit que, qu'il écoutait de temps en temps quand il a le temps d'écouter les podcasts, même régulièrement, et qui finalement il adorait parce qu'il se tapait des barres pas possibles régulièrement. Franchement. Il adorait. Alors coucou Jocelyn et merci de nous aimer comme nous sommes. Merci du retour parce que c'est bien de savoir comment c'est perçu. Voilà, comment c'est, oui. J'en profiterai du coup pour faire aussi un petit message de joyeux anniversaire parce que c'était anniversaire alors de moi lundi. D'accord. Je te l'ai souhaité, je ne sais plus. Bien sûr. Linda mardi. et de hier, Virginie. On avait trois membres de la radio. Donc Virginie, si tu nous écoutes, parce que oui, elle est là, mais elle est plus là. Tu vois. Ouais. Physiquement. Mais on sait qu'elle écoute aussi. Physiquement, je sais plus à quoi elle ressemble. Tu vois. À mon Virginie, avis, si tu nous écoutes, je vais les aider. Alors, je vais répondre. À mon avis, elle ressemble à Virginie. Elle ressemble Merci à une Daniel. Femme de 41 ans. Qui s'appelle Virginie. C'est ça. Qui ah. en fait 45. Allez, musique. Ça se fait. Oh, c'est elle a fait 39-45. Elle a fait 39. Ah. Oui. Alors, comme toutes les autres. Bon anniversaire à la triplette alors. C'est ça, voilà. Bon anniversaire à la triplette. Happy birthday. Mais oui, c'est pas fini. On va avoir de la musique. Oui. D'ailleurs, t'es oui. dit, comment ça se dit ça? Vidia? Vidia? Vidia. Vidia. Ouais. Donc, moi j'ai envie de dire Vidia. Vidia. Ouais. D'accord. Donc on te fait confiance alors. Ouais. C'est peut-être Vidaya ou Vidia, non? Vidaya? Ouais. Non, ça non. c'est Yannick. En tout cas, Linon. De Major Lazer et DJ Snake, comme tu m'as dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça, DJ Snake et Major Lazer. Pour une fois que t'avais une info sur une musique, c'est quand même bien. Ouais. Et ça, on les retrouve sur Indestar. Un road trip dans la pop culture sans voiture et sans avion. On t'offre les billets. Tech Avenger V2 jusqu'à 23h sur Indestar. Ah, ça va, ce soir, ça coûte pas très cher pour aller dans la nature quand même. C'est à côté quand même, on va dire. Souvent, on trouve une forêt et c'est bon, hein. Bah, une forêt, un lac, une rivière. Ouais, voilà, il y a tellement de choses. Que... tu vas dans n'importe la quoi. La cabane ouais. au fond du jardin. Dans un petit coin d'herbe. Je suis pas sûr, Thierry, mais pourquoi pas. Bah, donc, c'est dans la nature, la cabane au fond du jardin. Tout à l'heure, Teddy, tu as un petit peu teasé ce qu'on allait faire là. Vu qu'on a eu une idée avant l'émission. Oui, hein. Une idée à la con. Oui, parce qu'on aime bien les idées à la con, effectivement. Surtout sur Indestar, quand même, on aime bien ça. Ouais. Surtout nous. Je pensais, on s'amusait à faire des petits jeux de mots en fait, enfin, pas des jeux de mots, mais on plaçait des fruits dans des phrases. Mais tu sais, genre, tiens, j'ai la banane. T'as ramené ta fraise. Oui. Ah voilà, c'était ça que je cherchais tout à l'heure. Et on se faisait une battle comme ça. Oui. Sauf qu'à un moment. Je vous propose. Bah d'en faire une petite quand même. De faire une petite battle de fruits et légumes. Enfin, même de tout ce qu'on veut, que salade. C'est quoi les règles? Chacun son tour et l'épuisement de la corbeille. C'est ça. Exactement. Donc, qui est-ce qui a envie de commencer? Moi, je veux bien, je suis une bonne poire. Allez hop. Bon, bah, voilà. De toute façon, moi, tu peux dire ce que tu veux, j'en ai rien à foutre, je me lance des fleurs alors. Alors, je vais te filer un marron, Daniel. Hein. Fais attention. Daniel, commence pas à ramener ta pêche. Ta fraise. Le ramène fail. Ta pêche, vraiment. Ça y est, le fail. Bah justement, t'as pas vraiment la pêche. De toute façon, je m'en fous. Moi, je raconte pas de salade. Oh là, vous c'est pas un fruit. Vous allez me faire tout. C'est pas un fruit perdu. Ça passe. Ouais, ça passe, ça passe. De manière, non, bah, non mais c'est nature, pommes, c'est nature, c'est que les fruits. C'est de la nature, oui. Ouais, oh, si vous avez des arbres, allez-y. Hein. Tu veux qu'on appelle ton avocat? C'est un fruit. Oui. À toi, ah, tu prends pas pour un kiwi australien. Et là, c'est à la fois un fruit et autre chose. C'est un animal, un kiwi animal aussi. Oui. C'est juste que j'ai causé, bah, c'est le tu prends pas pour un kiwi. D'accord. Wow. Soit, Daniel wow. Je peux continuer sans les fruits. Hein. Ouais, vas-y, tente. Oui, non, mais votre jeu, ça vaut pas un radis. Hein. Tiens, bah, je m'en vais, je vais aller poser une pêche. Il a déjà dit pêche, mais pas de cette manière. Ouais, bah là, il invente hein, carrément. Ouais, c'est ça. Quoi, vous connaissez pas la pêche? Poser une pêche? Non, je connais pas. Ah bah, c'est aller aux toilettes. C'est... Ah, ouais, c'est ah non, ça. C'est une vraie expression, ça, pour le coup. Ouais. Pas une vraie. Bon, non, bah, ça en devient une. Ça en devient une vraie, alors. Hein. Je sèche, là, c'est comme les pommes. J'en sais rien, en vrai, c'est plus rien. Ouais, bah, ton humour va pas nous faire exploser des grenades, hein. Parce que la grenade est un fruit. Ouais. Oui. Oh. Wow. Ah c'est. Wow. Ouais, il va loin Thierry. Ah là, là allez. Ah. Ah mais ce c'est soir. C'est quoi ce cri là? On sait pas. Mais ce soir, qui a du blé dans les poches? Ouh. Ouf. C'est pas un fruit. Mais je m'en fous. Moi, je suis une grosse légume. Une légumineuse. Très très mineuse. Je sais pas. Mais tout à l'heure, j'ai cru voir les flics passer. Parce que j'ai vu un gars qui avait un kaki. Ah non, c'est un képi. Non, c'est, un c'est nul. C'est pas ouf, non. Un képi c'est nul à chier. Ouais. Ah, je suis éliminé, je pense. De toute façon, on est tous les deux éliminés. Vas-y, Thierry. Reste plus Thierry Daniel. Ben en fait, j'étais en train de chercher. Je me disais, tiens, je pars quoi mon jardin pour voir où il y a des fruits. Et je me disais, il y a des framboises, mais je ne connais pas l'expression avec des framboises. Il n'y en a pas, je crois pas. Il n'y en a pas, ouais, je crois pas. Tu es doux comme de la liqueur de framboise. Enfin, je ne sais pas. Ça marche. Tu l'as fait. C'est ça. Et on terminera l'émission en se saoulant avec des cerises à l'eau de vie. Enfin, je sais pas, mais bon. Je sens la panne sèche, Thierry. On se fend la poire. On a déjà dit la poire, je crois. Mais ah oui, mais pas de cette manière-là. Pas comme ça. C'est vrai. Ok, ouais. Pas une petite idée. En fait, je suis en train de chercher des parce que quand j'ai entendu kaki, je me suis dit, ah ouais, ça serait intéressant d'aller chercher des fruits exotiques qui sont peut-être pas connus de tout le monde, parce que là, on en fait des fruits très classiques. Vous connaissez ouais, ce que c'est le kaki, Kevin? Oui. C'est quoi? C'est le fruit orange, là, dont je cherchais le nom tout à l'heure. Ça ressemble à entre une tomate à poivron, la forme. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais quand on en a un qui donne, ça donne beaucoup. Certes. Daniel, t'en as une petite dernière? Faut que j'en trouve une sympa, parce que j'en ai d'autres, mais qui sont pas trop... Eh bah, gratte-toi les noisettes et puis tu vas trouver une idée. Non, mais... Parce que les noisettes sont des fruits secs. Si, il a raison. Sans toucher Daniel. Il a raison, je m'en fous, je vais aller sur la mer et sur ma coque de doigt. Passe. Je vais prendre l'eau avec ma coque de doigt, Ça passe. Thierry, est-ce que tu peux en balancer un truc? Ah oui, je cherchais dans les noix, je me dis, alors attends, noix de muscade, noix de cajou, noix de... Ah oui, peut-être, là tu viens de nous en sortir une épicée comme une noix de muscade. Oh! D'ailleurs, manger épicé, c'est tout l'art de faire les choses en même temps, hein? C'en était une, ça? Bah oui, manger épicé. Mais épice, c'est pas. Épice, c'est une catégorie. C'est qu'il a précisé noix de muscade, c'est pour ça. Parce que noix de muscade, avant d'être une épice, c'est un truc. Moi, je sais pas si on va s'arrêter un moment, mais. Je sais pas, tant que vous avez de l'inspiration. Je pensais au fait qu'on aime bien être chez Indestar. C'est pour ça que là, ça dure, parce que Indestar, peut-être, c'est notre fruit de la passion. Là, je vais pas répondre parce que je l'aime bien celle-là. Celle-là, victoire par KO. Là, franchement, je pense qu'on peut y laisser la victoire. Franchement, respect. Je me disais, il va peut-être falloir conclure un moment. Il s'est dit, bon, allez, c'est bon, je passe à la deuxième. On va conclure l'introduction, sinon on n'aura pas le développement. C'est pas grave. C'était marrant à refaire avec d'autres choses. Mais oui, c'est pour ça. On peut en avoir plein comme ça, mais c'est vrai qu'on s'est dit ça tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Un moment, d'accord. Commencé à faire des cons comme d'hommes, on va dire. Oui. Puis bon, on se dit, tiens, c'est sympa, mais il y a autre chose qui est sympa, Teddy. Oui, la musique. Ouais. Avec Alissa Bernal, Kali. C'est Kali sur Indestar. Peck Avenger, c'est comme. Non, OSS 117. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non? À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Mais en différent. Ah, OSS 117, oui, c'est vrai que ça peut passer pour la nature hein, en plus. Oh, pas vrai. Bah, disons qu'on voit quelques décors quand même. Surtout celui de Rio là. Oui, surtout celui de Rio. Après, si tu cherches par là, dans tous les films, t'as de la nature. Hein, oui, c'est pas pour autant. C'est bien lancé celui de Rio justement par rapport au sujet qui vient, n'est-ce pas? C'est ça. En tout cas, on aurait bien besoin de son coup de police parce que alors, les voitures, je sais pas, mais depuis le sable du Sahara là. J'ai beau nettoyer, moi, tous les jours, ça redevient crade. Je sais pas comment qui nous tombe sur la gueule tous les jours, mais... Je sais pas si ça a marqué, Thierry, le... Le fail. Non, je me suis trompé, j'ai fait une grosse erreur. Excusez-moi, je vous ai lancé un sujet pour plus tard. Voilà. Bah, vers la fin de l'émission. Voilà, donc il y aura un rapport avec Rio, mais à la fin de l'émission. Mais on va dire que t'as fait un teasing, mais un peu foireux, quoi. Ouais, très foireux, hein. Du coup, on va aller voir du côté des catastrophes naturelles. On va aller voir Daniel, la catastrophe naturelle, c'est ça? Hein? Ouais, ça je confirme. Certes, oui, parce que dans le conducteur c'est écrit comme ça. Daniel, catastrophe naturelle. Est-ce bien naturel? C'est ça. Ouais. Oh, j'en sais rien, Daniel va peut-être nous le dire. Oui, alors déjà, je suis désolé, j'ai pas trouvé de chemise hawaïenne en mode tempête. Hein. Ah, t'as pas une bleue de ciel? Non, c'est surtout que les cocotiers sont toujours debout, ils sont pas couchés. Ah. Sauf si tu la mets à l'envers. Ouais, mais dans ce cas, je rentre plus dedans. Ouais. Il aura pas l'air d'un con, non plus quand même. Surtout. Il y a des t-shirts là maintenant là qu'on imprime en 3D où t'as l'impression que, enfin, t'as un trou au milieu du ventre, ça, ils font des espèces de tornades ou de gouffres. Ah oui, j'ai vu un truc comme ça. Oui, c'est un. Ou t'as l'effet d'optique. L'impression que t'as quelque chose qui sort de toi. Enfin, il y a des trucs qui sont pas trop mal faits. Il en faut une pour Daniel. Faut une avec vraiment la plage, les. La tempête, le tsunami. La tempête, le burrito. Moi, je me dis rien que ce que tu portes, mais avec une scène 3D, c'est vrai, où on a l'impression que t'as. Que t'as quelque chose qui sort du corps, je crois qu'il faut pas le dire à l'antenne, mais bon, c'est déjà dit, mais tant pis. Alors appelle vraiment si on a quelqu'un qui nous écoute, qui fait ce genre de choses. Je suis preneur d'une chemise hawaïenne taille XXXL, 3XL, hein, de ce genre-là. Alors. Franchement, si vous avez, n'hésitez pas à nous appeler au 09 70 407 306. Avec un cocotier qui sort de Daniel. C'est ça. Mais non, c'est Daniel qui sort du cocotier. Non. Donc on va en revenir aux catastrophes naturelles quand même un petit peu. Oui, un petit peu quand même, parce que dans nature, nature, il y a les catastrophes. Hein. Oui. Y a pas... La nature est violente là. C'est ça, ouais. Oui, très violente. Je vous ai sélectionné un certain nombre de films. Hein, où la nature prend et la nature redonne, ou prend surtout. Apprend surtout. Il y a quand même des fois des choses un petit peu curieuses dans les films. Le jour d'après, qui est un film de 2004, qui est les aventures d'un. Alors, je vais essayer de le dire bien. Paléoclimatologue. À tes souhaits. Alors, il étudie la météo de l'époque, enfin de l'ancien temps. Voilà, dans le temps. Du Moyen-Âge. Enfin, plus loin, plus loin. Alors, cet abruti, il est avec deux collègues, ils effectuent des forages. Des carottes glaciaires en Antarctique. Ouais, les carottes glaciaires. On est dans mon jardin. Voilà. Elles sont-elles glaciaires? On ne sait pas. Si, les met dans la glace, oui. Non, elles sont glacées après. Ouais, mais et dans là. La glacière. Et là, ouais, et là ah, que se passe-t-il? Les carottes glaciaires, c'est les carottes que tu mets dans la glacière. Oui, c'est ça. C'est ça. Oh, c'est génial. Voilà, c'est ça, ouais. Et là, que se passe-t-il? Une catastrophe, évidemment. Il y a un plateau de glace qui se détache du continent. Ça... Ça crée un tsunami, ça crée tout un tas de trucs. Alors là, on a la totale. Une pluie de grêlons, d'énormes grêlons à Tokyo, des tornades sur Los Angeles. D'ailleurs, Los Angeles, vous verrez, il se passe plein de choses. Oh, ouais, Los Angeles, oui, c'est souvent oui, ce qui prennent. Souvent. Non, y a New York qui est noyé sous les eaux et après, bah, comme ça refroidit, ça forme une banquise. Hein, c'est... Ouais, c'est normal. Il y a juste un petit problème. Il y a des phoques après. À mon avis, ils arrivent, mais un peu après le film, parce qu'on les voit pas dans le film. Tu sais, le temps qu'ils arrivent de l'Arctique. Faut nager, hein. Ouais, ouais. Il y a pas Uber nage. Uber fuck. Non, ouais, par Uber contre, fuck. Nous, on a eu le fuck. Il hein. Y a Uber fucks you. Il y a la fuck. Fox. Ah. Par contre, il y a un petit problème. Il y a une petite contradiction dans le film. La calotte glaciaire s'étend, mais en même temps, le niveau des eaux monte. Ce qui est impossible, si la calotte glaciaire s'étend... Oui, normalement, il y a moins d'eau. Voilà. Il y a une petite erreur. Oui. Et South Park a fait un petit clin d'œil dans l'épisode 908 de la saison 9 qui s'appelle « Deux jours avant le jour après demain ». C'est South Park. Bordel. Hein. Oui, du South Park, oui, ouais. Tout craché. Alors avant de reparler de Los Angeles, il y a les tornades aussi. Oui. En Amérique, ouais, beaucoup. Oui, clairement. Beaucoup. Il y a le fameux... Twister. Cool. Yeah. Twister. 1996. Il est pas jeune. C'est vieux. Ouais, c'est vieux. Vous parlez c'est... du jeu, là, non? Non. Le film. Chasseur de tornades. Ouais, chasseur de tornades. C'est l'histoire, en effet, chasseur de tornades. Un gamin qui a vu son père emporté par une tornade. Et finalement, il veut comprendre ce qui se passe. Donc il vient... prend un fusil et tue des tornades. Voilà, il devient chasseur de tornades, c'est ça. Bah, il tire sur les tornades. J'imagine hein, le mec avec le fusil qui est en train d'ajuster la tornade. Voilà. Là aussi, il y a un petit anachronisme au début du film. Il parle d'une tornade en 1969 en citant une catégorie F5 qui est ce qu'on appelle l'échelle de Fujita. Seul problème, elle a été créée en 1971. Je vous ai parlé de l'échelle de Fujita. Est-ce que donc F... C'est japonais. Ouais, oui. Le monsieur est sûrement japonais d'après sans son doute, nom, ouais. Sinon il a dû être naturalisé, il y a des chances. Hein. Il est parti de la vitesse à laquelle il faisait les sushis et s'est demandé si dans la nature pouvait faire mieux. Voilà, d'ailleurs c'est tourbillonnant aussi, comme une tornade, le sushi on le roule sur lui-même. Alors il y a peut-être un rapport. Hein. Ou plutôt avec peut-être. La mer, je dirais. Les rouleaux dans la mer. Ah. Quand la mer a ce. Quand les vagues. Je sais pas, font des rouleaux. Alors, est-ce que vous connaissez cette échelle F1, F0? C'est quand il y a aussi plusieurs courants, peut-être quand tu as les courants sous-marins, que ça déclenche le rouleau. C'est pas un peu ce qui arrive même dans notre fleuve qui risque qu'on oui. risque de pas de si, t'être si, emporté. Il y a les courants marins qui peuvent créer effectivement des vagues. C'est et tout surtout. Il y a plein de choses qui peuvent créer des vagues en vrai, mais oui. Ouais, mais la tornade, c'est surtout un problème de dépressurisation. Voilà, de chaleur, de température. De température, voilà, entre les couches supérieures et inférieures de l'atmosphère. Oh, pareil pour les vagues, mais oui. Comme les orages, enfin, je veux dire, c'est la rencontre. C'est contraire, quoi. Mais voilà, de choses qui s'aiment pas beaucoup. Oui. Voilà. Ah, voilà, c'est comme le courant électrique quelque part. Par exemple, c'est un très bon exemple. Est-ce que vous voulez un petit cours sur quand même Je croyais que c'était un coup à boire. Ouais. Père Daniel, raconte-nous une histoire. Père Daniel. Oula. Voilà. C'est l'histoire de quoi, Daniel? Alors, vous avez la F0. C'était F0. Une très bonne histoire, Père Daniel. Merci. La F0. De 60 à 120 km/h. Dès qu'un léger, on n'en tient pas compte. Il y en a, c'est 62% des tornades. Donc en gros. Ça va. Ah, je croyais que c'était la conduite en ville, moi. Après, bah, alors là, après, on passe sur autoroute avec la F1 qui va de 120 à 180 km/h. Ça va. On va dire que c'est des dégâts modérés, 11% des tornades. Bon, enfin, ça renverse quand même les voitures et ça peut arracher les arbres, hein, déjà. Ouais, quand même. Ouais, ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, la... le Twingo. Oh, même éventuellement des plus grosses. Hein. Ah ouais? Ouais, même si t'es dans la Twingo, à mon avis, ça suffira pas pour, ah ouais, bah ouais, pour lester suffisamment la bagnole. Hein. D'accord, d'accord. Après, il y a les F de 120, 250 km/h. Ça pique. Ouais, 4% des tornades. Alors là, ça commence à arracher les toits. Ouais. Ah ouais? Ouais, là, ouais. C'est... ils jouent plus dans la même cour. Non, après, on a la F3, 250, 330 km/h. Alors là, on est carrément sur le circuit de Formule 1. Hein. Voilà, on est passé sur l'autoroute, circuit de Formule 1. Ouais. Là, carrément, ça projette les toits dans les airs, j'allais dire dans les herbes. Bah oui, ils retombent dans les herbes avec oui. Un peu de chance. Hein. Bah, le problème, c'est de savoir où ça retombe, effectivement. Ah ouais. Bah, c'est ça, ouais. Ça commence à dévaster les forêts, les murs, ça commence à les casser. Enfin, ça devient. C'est 1,8% des tornades. Ouais. C'est déjà bon. Ouais. Après, vous allez vers la F4. Alors là, on va bientôt passer au prototype 330-420 km/h. Quand une Bugatti, je pense ça. Qu'ils nous vendent des logements en nous disant que c'est des F4, on devrait avoir peur. C'est ça. C'est moins d'1% des tornades, 0,9. D'accord. Et là, ça commence à tout casser, à projeter des trucs pas possibles. Vraiment, là, ça devient infernal. Vous avez la F5 qui est aussi connue de 420 à 510 km/h. Ah, c'est la Bugatti Chiron. Ça. Ouais, là. Là c'est... ouais, c'est parfois surnommé le doigt de Dieu. Alors on se demande pourquoi Dieu doit être en colère dans ces cas-là. Sans doute. Certes. Ouais. Ah, il tourne ses chiottes ou il fait. j'en sais rien. C'est pas précisé dans l'histoire. 0,3% des tornades. Donc si vous allez aux États-Unis dans le couloir des tornades à l'époque des tornades, vous avez quand même. Malheureusement pour vous, si vous êtes chasseur de tornades, très peu de chance d'en voir. Ah oui. Ouais. Mais vaut mieux peut-être avoir très peu de chance ouais, d'en voir. Ça, peut-être. Voilà. Mais oui, et de se faire avoir, parce que même les meilleurs chasseurs qui étudient tous les vents machin se rendent compte des fois. Oh putain, ça vient vers nous quoi. Ouais. Et quand ça va très vite, bon. Ouais. Ouais, ça va, bah, ça va très vite. Alors, vous savez, on parlait de F1, F5, on en parle couramment. Mais savez-vous qu'il y a une échelle qui va jusqu'à 12 finalement? Ah bah oui, j'ai la touche 12 sur mon. J'ai F12. Et ça s'arrête jusqu'à 12. N'appuie pas parce que l'émission sera terminée. Est-ce que c'est lié? Je ne sais pas. Pense pas. Alors, on n'en sait strictement rien parce que, en fait. On n'a jamais vu. C'est pas qu'on n'a jamais vu, c'est que la 5 fait tellement de dégâts qu'on ne peut pas mesurer après parce que pour l'instant, on ne peut pas mesurer suffisamment aussi à l'intérieur de la tornade. D'accord. Ça donc, détruit on même pas. Les instruments de mesure. Voilà, ça détruit tout, donc on ne sait pas, c'est une supposition. D'accord. Ah. Du coup, on c'est en de a la pas... modélisation, c'est ça? En fait, on imagine sur un ordinateur. Oui, je pense que c'est une théorie qui a été modélisée après, je pense. Hein. Certes. En effet, okay. Oui, comme dit expliqué Thierry, maintenant c'est bien l'ordinateur, on peut modéliser, ouais. Créer les mêmes conditions qu'en est-ce réel. Qu'on voit de la F12 en film, du coup? Parce que ce serait marrant, ça. Non, par contre, je vais vous parler d'un film de 2012. Bah, 2012 2012. Non, pas 2012, parce que celui-là, je me suis dit que ça serait trop simple. Qui a été fait en 2012, qui est inspiré de quelque chose, d'une catastrophe naturelle qui a fait énormément de morts. Alors, c'est une catastrophe par rapport à quoi? Aux eaux, à l'air? C'est à l'eau, quoi. C'est le tsunami. Feu, ah, c'est un tsunami. Tsunami. Ouais. Qui a ravagé, je sais pas, une côte chinoise ou japonaise, je dirais. C'est qui a ravagé l'île de Sumatra le 26 décembre 2004. Ouais. Et le film Restore retrace l'histoire vraie d'une famille. D'accord. Ouais. Hein le film, la préparation s'est déroulée pendant 2 ans. Il y a bon nombre des sites qui sont les lieux réels de la catastrophe. Ah ouais. Pour d'ailleurs reconstituer le plus fidèlement possible le tsunami, la production a travaillé avec 6 sociétés spécialisées dans les effets spéciaux et il a fallu 1 an pour recréer la scène de 10 minutes. Ah ouais, ouais. Ils sont mauvais hein, à l'époque. Non, je suis méchant. Mais ouais, c'est long. Ouais, il y a également un film qui s'appelle Black Storm qui raconte une histoire qui est un peu, à mon avis, inspirée d'une histoire vraie qui est une ville qui a eu plein de tornades, de tempêtes dans la même journée. Ouais. Mais nous allons revenir à Los Angeles. Je vous en parlais tout à l'heure quand même, ça devient le plus intéressant. Oui, bah oui, quand même. Il y a un film qui s'appelle San Andreas. Oui. Oui. Donc, alors, évidemment, un tremblement de terre, puis un tsunami à Los Angeles, on fait la totale. Oui, tu disais, j'ai pas. J'étais à moi. J'étais à San Andreas. Ah, t'as San Francisco aussi pour les tremblements de terre et les failles sismiques et tout. parce qu'ils sont bâtis sur deux plaques tectoniques, donc du coup ça se sépare. Ils sont sur la faille de San Andreas en fait. Ils ont construit en terrain destructible. Terrain miné. Ouais, miné naturellement en plus. Hein. C'est ça. Et là ils ont passé d'ailleurs une semaine à tourner des scènes dans l'eau. Ouais. Pendant une semaine, les acteurs ont été dans l'eau. Et ils ont travaillé dans un bassin qui à l'époque était un des plus grands du monde en Australie, qui contient 10 millions de mètres cubes d'eau pour la scène où l'immeuble coule. Ah ouais. Ouais. Ouais, c'est quand même assez c'est assez violent. C'est ça. Alors, je vous parle un peu de volcans avant de continuer avec Los Angeles. Oui, les volcans. Volcano. Il existe un film qui s'appelle Volcano. Enfin, Volcano, c'est ouais, c'est ça comme on dit en français. Un oui. Film qui doit s'appeler Pompéi, j'imagine. Ouais. Ouais, je pense. Non, mais moi je suis resté à Los Angeles parce que j'ai bien aimé. Et un volcan qui apparaît à Los Angeles. Justement, c'est comme par hasard encore à Los Angeles celui-là. Quelle surprise. Oui, quelle surprise, n'est-ce pas? Et moi, alors moi, il y a une chose qui m'a beaucoup amusé, c'est la lave, savez-vous avec quoi ils l'ont faite? Du ketchup. C'est avec un ingrédient qui est utilisé par les fast-food pour faire les milkshakes. Du coup, les trucs. Non, c'est un épaississant, ils ont utilisé un épaississant. De l'amidon de maïs rouge. C'est du méthylcellulose. D'accord. Ouais, d'accord. Voilà, bon, la cendre, ils ont pris des vieux journaux qu'ils ont fait écramer, ça c'est tout simple. Ouais, bah. Non, mais alors, ils ont quand même utilisé. C'est quand même. J'avoue que l'idée est. Ouais, c'est ça. Ça sent le nanar un peu. Hein. Ouais, aussi. Vous avez le Pic de Dante aussi, qui est une histoire. C'est pareil, on met aussi un héros. Voilà, qui est là. Qui vient dans la deuxième ville la plus agréable du pays, et puis il dit attention, il va y avoir une éruption volcanique. Ouais. Bah, le problème, c'est que tu as des promoteurs immobiliers, ils sont pas contents parce que ça vous fout en bordel leur business. Hein. Ouais, bah. Ouais. Ils ont fait un petit clin d'œil à Pierce Brosnan dans ce film. C'est à l'époque qu'il jouait James Bond 007, donc la chambre dans laquelle de l'hôtel dans lequel il loge s'appelle la 007. Ouais. Hein. D'accord. Ouais. Ouais. C'est quand même. Voilà. Sympa. Enfin, allez. Mais tiens, revenons quand même encore à Los Angeles. Un autre tremblement de terre à Los Angeles. Ah, ouais. Comme c'est encore bizarre. Une surprise. N'est-ce pas? Encore un séisme à Los Angeles. Ça, c'est un film de 1975. Je pense que les plus anciens s'en souviendront. Parce qu'à ce moment-là, il a été utilisé un système qui s'appelle le Sensor Round. Sensor Round. Ouais. Fais-le en vrai anglais. Sensor Round. Sensor Round. Ouais. Thierry, t'as tout compris évidemment. Bah bien sûr. Ouais, ouais. Alors au vu de sa tête, je dirais non. Non mais je suis le prof d'anglais, Kevin quand même. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Bah, on comprend pourquoi je suis aussi mauvais alors. N'est-ce pas? C'est un système qui. Je suis en train de m'étouffer. T'as une éruption mais pas. Ouais. C'était un système qui était installé sous l'écran, enfin à plusieurs endroits de la salle, qui a envoyé des très basses fréquences, alors pour les puristes de 17 à 35 Hz sous une puissance de 110 dB. Certes. Et au moment des secousses telluriques, par l'intermédiaire de haut-parleurs spécialement étudiés pour, ça envoyait des vibrations et on avait l'impression de vivre le tremblement de terre. C'est le début du cinéma dynamique en 1975. C'est ça, ouais. Alors, il a été. Et j'entendais sensor capteur, quoi, mais je me disais qu'il capte quoi, quoi. Oui. Nous, on capte pas grand chose. Ouais, c'est la 5D avant l'heure. En gros, c'est un peu ça, oui. Ouais. Alors, ces équipements ont été utilisés que pour trois autres films. Je vais vous expliquer après pourquoi. La bataille de Midway, le toboggan de la mort et Galactica. Il y avait juste un problème. Oula. Parce que c'était tellement bien qu'il fallait qu'il y ait quand même un problème. Ouais. C'est que le son était tellement puissant. Qu'il y a eu des salles où ça a fait tomber les plâtres d'augmentation. Alors ils ont installé des filets de protection. Mais... Et puis bon, il y a eu des problèmes au niveau du voisinage parce que 110 dB à une fréquence aussi basse. Bah, oui, bah, déjà, quand t'as un bon caisson de basse, t'en prends plein la gueule. Bah, t'imagines dans un ciné, quoi. Ouais, t'imagines un peu. Et t'imagines quoi. Franchement. T'as mal. Savez-vous quand même, je vais faire un autre petit point scientifique pour terminer. Ouais. Savez-vous comment on mesure les tremblements de l'échelle de Richter. On mesurait avec l'échelle de Richter. Justement, c'est pour ça que je voulais en profiter. Alors, l'échelle de Richter, c'était quelqu'un qui étudiait les séismes en Californie, donc sur le, principalement sur la faille de San Andreas. Ouais. Elle avait quand même un petit inconvénient. D'abord, c'était l'échelle ouverte de Richter. Donc, on n'a pas pu quantifier de niveau élevé, comme par exemple les tornades, je parlais tout à l'heure. Mais elle était valable que pour là. Donc, finalement, on l'utilisait pour ailleurs, mais c'était pas bon. D'accord. Donc, depuis, alors je ne sais pas si vous avez fait attention, quand on parle d'un tremblement de terre, on parle d'un tremblement de terre de magnitude de temps. Oui. Alors, en fait, c'est l'échelle de magnitude du moment. Voilà. Alors, je ne vais pas vous en parler de trop parce que on n'est pas sur, sur un coup. Science et découverte. Science et découverte. Et là, franchement, pour en parler à la radio, il va falloir une demi-heure ou une heure. Ouais. Donc, je vous invite éventuellement, si vous êtes curieux, à aller faire des recherches là-dessus. Sachez que c'est une échelle logarithmique qui mesure donc la magnitude du séisme, c'est-à-dire la taille du séisme proportionnellement à l'énergie sismique dégagée. Donc, c'est réellement centré sur les fréquences du séisme et ça quantifie réellement précisément l'énergie émise par le séisme. Et ça a un gros avantage par rapport à l'échelle de Richter. C'est, ça permet de vraiment prévenir la population des risques réels. Oui, parce qu'au début, ça commence tout petit. Et... Non, c'est surtout que l'échelle de Richter était fausse, ne calculait pas ça. Ouais. Et on pouvait avoir l'impression que c'était un séisme, par exemple, de 3, et se retrouver avec un séisme de 5, donc qui pouvait provoquer certains dégâts. Ouais. Lol, ça fait un peu mal. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas, c'est ça. Ouais. Ben, vous savez tout maintenant sur les catastrophes naturelles. Donc maintenant, on va pouvoir anticiper quand Daniel nous propose son sujet. Oh là, va y avoir un séisme de magnitude 2.0. Peut-être qu'en musique, ça passera mieux alors. Bah oui, du coup, on met de la musique alors. Ouais, sur Core, Bite Me. Oui. Oui, sur Indestar. Thierry, le plus grand fan d'histoire des animateurs de PK Avenger jusqu'à 23h sur Indestar. C'est vrai que Teddy en histoire, moins. Alors ça, c'est une balle perdue, ça. Mais il est grand quand même, autrement. Moi, je suis pas d'accord. En différent. Oui. Je connais des trucs en histoire. Je connais 1515. Marignan. C'est voilà. Déjà pas mal. Mais c'est tout. 1789, quand même. 1700... Prise de la Bastille. Voilà. Parce qu'il y a un groupe de chanteurs qui s'appelle comme ça. Oh. La mauvaise référence ça... Il Pourquoi aurait pu dire prise allume-cigare dans la voiture, non, mais non, il a dit prise de la Bastille. Tu te rends pas compte, mais il y a toutes les références de l'histoire dans les jeux vidéo et tout ça. Je les connais toutes. Je sais pas à quoi correspond en vrai, mais je les ai toutes. Alors, c'est bien. C'est au moins une preuve que les jeux vidéo sont éducatifs. Bien sûr, oui. Ça nous apporte des choses. Après, il faut les replacer. C'est ça, ouais. Mais ce qui est bien, c'est que là, on parlait de jeux vidéo. Bah, je vais vous emmener dans Call of Duty. Dans Call of Duty, donc le Battle Royale, donc Warzone, il y a une map qui est très visuelle par rapport à la nature. C'est Caldera. Donc, ah oui. Qui a été sorti très récemment. J'étais en train de me dire Call of oui. Nature. Non, on Call est of, tu tires sur des gens, t'es en ville généralement. Oui. Pour certains, c'est naturel. Oui, ouais, c'est pour certains, oui. On est d'accord que oui, de base, ça va pas vraiment ensemble. Mais donc, pourquoi avoir choisi cette carte? Bah, c'est une carte que j'appelle de trailer. C'est une carte qui est très belle à regarder. Alors par contre, pour jouer dessus, elle est ignoble. Ça c'est dit. Si t'es dans une plaine, t'es dans Minecraft, mais tu sais, le monde plat. Alors, tu vois tout à 10 km, le machin, il a un sniper, il te tire. Le truc, t'es dit, c'est que Minecraft, t'es pas bugué. Tu as pas des arbres invisibles ou des rochers invisibles. C'est discutable. Mais... Ouais, mais t'en as moins, quoi. Oui. Oh, les cons, ils ont piqué la cape d'invisibilité à Harry Potter. Ouais. J'imagine l'arbre avec une cape. Quand je vais jouer dessus, je vais plus voir la map pareil. Donc, cette map, avant, on avait Verdansk, donc, qui était une map de nos jours. Donc une map contemporaine. Mais donc ils ont décidé de la faire exploser pour nous faire remonter le passé, pour retourner dans le Pacifique. Ils font exploser sur des maps. Oui. Oh putain, elle est ouf. Ah ouais, non mais d'accord. Call of Duty, Activision. Donc après on est sur cette map où, très très belle visuellement, avec une forêt forcément. Des gros platanes. Ouais. Non. Bon, non. Non. Je connais pas assez pour te dire quel style d'arbre. J'aurais plutôt dit des conifères. Bon, ils sont... Non, moi, je ils sont pas les couilles. Moi je dirais que toi t'es con et on peut rien y faire. Joli, joli. Et... De temps en temps, il y a quelques éclairs de génie. De temps en temps. Tellement. Faut en profiter. Donc. Je sens pas l'orage. Attends, ça va venir. Non, ça va arriver. Donc la forêt est très sombre. Forcément, les arbres ils cachent le soleil. Comme ça peut te cacher un peu au moins, minimum. Ouais. Puis bon, vu que bon, c'est pas comme Fortnite où on peut construire. C'est Call of Duty, c'est réaliste. Oui, oui. Je conseille pas un mur en 2 secondes. Franchement, Fortnite... Il y a eu un petit taquet gratos quand même, hein, au passage. Donc, après, on peut voir la façon de recharger dans Call of. Ouais. C'est discutable. Voilà, vu que bon, il nous reste 29 balles dans le chargeur, on doit arriver à 30, on balance tout le chargeur, on s'en fout. Oui. Donc, c'est vrai. C'est pas non plus ultra réaliste. Donc, il y a des champs de pierre aussi, qui sont très proches d'un endroit, donc d'un volcan. Des champs de pierre. Oui. Tu cultives des pierres. Non, j'ai appelé ça. Ah, moi je croyais que c'était les pierres qui chantaient, j'avais pas compris, excusez-moi. Non, j'ai appelé ça des champs de pierres, mais qu'en fait, tu as plein de pierres qui sont placées aux alentours du volcan, surtout. Ouais. Et donc, ça fait comme un champ en fait. C'est pour ça, donc champ de pierre, je trouvais ça sympa comme nom. Champ de cailloux. Ouais, champ de cailloux. Ouais, non, donc, sur Indestar, moi j'imaginais Pierre qui chante. Enfin, vous savez, comme Pierre dans Re. Ouais, c'est vrai que oui. Nous sommes à l'âge de Pierre. Pierre qui roule et Pierre qui chante. Ouais, c'est ça. Donc, les humains forcément essayent de s'accaparer le volcan en faisant de la technologie dedans. Et évidemment, vu que bon, le côté humain, on ne changera pas. Donc. C'est une map, surtout de trailer, vraiment. J'insiste dessus. Jouer dessus, c'est. Ce que t'appelles trailer, c'est te balader. En gros, alors oui, se balader, ou même une carte, quand t'as une nouvelle carte qui sort, tu as toujours un petit peu de teasing qui est fait. Ah oui. C'est surtout une map à pour bien regarder. Voir, ouais. Voilà, enfin, c'est une map survoir. Vraiment. Mettre en appétit. Ouais, ouais voilà. C'est... Ça a été le cas pour cette map. Et c'est là où elle a. Et c'est là où elle a parfaitement réussi. Quand on l'a vu, on s'est tous dit waouh. Ça c'est va magnifique. Être génial, c'est magnifique, et ça va vrai, être trop cool. Waouh, c'est magnifique, mais et... par contre, pour jouer, waouh, c'est moins, ouais, moins magnifique. Bah, je vais prendre un exemple sur Twitch. Bon, moi j'y suis et forcément je joue à Call of sur Twitch. Ouais. Il y a une baisse des vues avec cette map. Oui, carrément. Ouais, tu joues avec c'est... cette map, j'en veux plus personne. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est au point où donc il y a une autre carte qui est Résurgence, donc basée sur l'île d'Alcatraz. Bah, tous les streamers en particulier, on va dire 80% de leur temps, c'est sur la Résurgence, donc sur Alcatraz. Ah ouais. Il y a des maps préférées. Les gens préfèrent les prisons à la nature. Ouais, c'est ça. C'est quand même. C'est la tendance. Ouais. Bah, tu crois qu'ils ont peur de croiser King Kong, Godzilla peut-être en pleine nature. C'est peut-être pour ça. Non. Tu vas trop vite. Non, une araignée. Ah non. Tu vas trop vite, Daniel. Oh merde. Oui, tu vas trop vite. Ah, mais j'ai dit ça moi en connerie, moi. Oui. Bah, bien sûr. Bah, je la connais pas, moi, la map, donc j'allais dire la nappe. Non, mais on va faire comme si on l'a pas entendu. Ouais. Voilà. Alors, on fait comme dans Men in Black, le truc pour ça, effacer ouais. les souvenirs. C'est bon. Mémoire effacée. Vous êtes dans un podcast, c'est. C'est ça, oui, il faut un peu avancer. Oh, je me rappelle pas. Donc, actuellement, il y a un événement. Ta gueule, Alzheimer. Ça, c'est fait. Donc, actuellement, il y a un événement avec deux monstres. Extrêmement connu de la pop culture, un singe qui va prendre des rochers et qui va les balancer. Donc il va taper. Kong. Oui, Donkey Kong. Oui. En plus, tiens, je l'ai appelé Kong. Donc forcément, oui. C'est plus Kong que King Kong maintenant. Oui. Ah bah, je le connais pas, mais j'ai jamais connu cette bête-là. Hein. Non. Franchement, je me rappelle pas. Hein. Merci, Daniel. Il emmerdait un plombier à l'époque. Ouais, c'est ça. Et sans doute la créature la plus connue du Japon. Godzilla. J'avais entendu parler. Ah alors, moi, je voudrais bien que Teddy nous refasse le cri quand même. Aïe. T'as raison, ça fait mal aux oreilles. Ah, mais c'est un cri triste. Enfin, pas strident, mais assez aigu en je vrai. Je préfère les tortues qui copulent. C'est plus simple c'est à faire. C'est comment tu fais. Aïe. Non, mais je parle de King Kong. King Kong. Godzilla. Non, Godzilla. Godzilla, ça fait. Il copule aussi. C'est la même espèce. Ça copule. Donc, ah ouais, c'est très bizarre. Attends. Ouais, donc forcément, donc, s'il y a Godzilla, il y a de l'eau. Godzilla est souvent représenté avec l'eau quand même. Maintenant, oh Godzilla. Bah, de nos jours, c'est quand même assez souvent, oui. Godzilla, oui, c'est ouais. Vrai. Bah, c'est souvent donc, qu'on le voit arriver par la mer parce que sinon, tu l'aurais déjà vu s'il était sur la bah, terre. C'est ça, ouais. C'est souvent bah, ça. Regarde, on voit bien pas Kong. Le Kong oui, mais parce qu'il sur est terre. Sur une île perdue. Souvent, il est représenté sur une île c'est en dehors que... de. Voilà. Ouais. Oui, et puis il sait pas nager, c'est pour ça qu'il peut pas arriver par la mer. J'aimerais bien voir Kong nager quand même. N'est-ce pas, ça peut être un rêve. Il viderait les océans, non. Remarque, il y a bien Godzilla dedans. Tu sais, c'est comme Obélix, il plonge dedans, paf, il n'y a plus d'eau. Oui, il hein. n'y a plus d'eau. C'est vrai que oui, il n'y a plus d'eau. Oh. Ouais. Donc, ouais. Pour Godzilla, donc forcément, il y a des plages qui vont avec l'île. Forcément. Attends, t'es en train de me dire, dans un jeu Call of, oui. Tu peux te battre contre. King Kong et Godzilla. Alors, c'est un bien grand mot, se battre. Mais qu'en fait, oui, c'est ont... subir, mais... Non, en fait, tu les vois sur l'île. Donc Kong, ouais. Il est au niveau du volcan, forcément, pour mettre des coups de poing dans le sol et avoir des rochers. D'ailleurs, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas... Ah, c'est le rocher. Non, c'est qu'en fait, tu vas voir l'action, Kong va le faire, mais 3 secondes après, tu vas voir que la map est déjà réparée. Ah. Ça, c'est un peu dommage. La map se régénère, ouais. Voilà, elle se régénère trop vite. Et donc, Godzilla, forcément, il va tirer son laser. Et donc, Hein, Godzilla reste au niveau de la mer. Ouais. Donc, logique. Et Kong reste au niveau du volcan. Donc, ce qui fait qu'en fait, vous avez de la chance. Ouais, ce qui fait qu'en gros, les deux se rencontrent jamais. Ouais. Ce qui est quand même un peu dommage quand tu fais un événement Kong contre Godzilla. L'événement ah, oui. s'appelle Kong vs Godzilla, donc. Oui, bah oui, forcément. C'est ouais. quand même con de pas avoir le truc. Et nous, se battre contre eux, alors la seule chose qu'on non, peut faire, c'est leur tirer dessus sans qu'ils réagissent. En fait, ils s'en foutent. Oh. Non, non, mais j'ai la réponse. C'est que Kong a pas voulu se mouiller. Il sait pas nager. Ouais, ouais, il sait pas, ouais. Non, il a pas voulu se mouiller. Ah, j'insiste ouais, bêtement, ouais. mais bon. Bref, ils comprendront plus tard. Oui, sans doute. Mais, oui, donc, pour finir, donc, c'est vraiment une map que moi, j'adore visuellement. Mm-hmm. Vraiment, c'est sans doute... Oh ouais, tiens, on va le dire comme ça. Pour moi, c'est sans doute la plus belle carte qui a jamais été créée. Sans D'accord. doute. Oh. Et voilà, pour Call of et tout ça. Mais par contre, niveau gameplay, faut pas jouer dessus. C'est juste, on se promène, on va visiter. En fait, on va faire de la randonnée. Et on se tue de temps en temps. Ouais. Bah même pas, quand je joue dessus en fait. Bon. Je suis tout seul. Non, en quand gros, je joue en je fait, mets des bottes. Non, quand je joue donc, je suis hors live donc j'essaye d'éviter le combat, tu sais. Puis bon, ça peut faire des défis à la con après comme des top 1 sans dégâts ou autre chose. Ça peut être fun à faire. Mais ouais, c'est une map visuellement très très belle. Oui, Daniel. Ouais, mais je comprends pourquoi t'es fatigué le soir avec toutes ces promenades que tu fais en forêt. Et oui, il fait des randonnées virtuelles. Bah ouais. Surtout vu la taille en plus. Bah ouais, non mais j'ai compris. Que... Ouais, ça y est. Mais oui, non, c'est une map que ouais. j'encourage tout le monde à aller voir au moins une fois pour connaître un petit peu, pour voir. En fait, chercher un autre mot, mais je trouve. Bah tu pas. Peux. Pour tu voir. Peux la mettre en poster chez toi finalement. Je pense qu'il y a des posters vu Call of Duty, ouais. ils ont dû réfléchir à si ça. Si vous en voulez un avant-goût, vous pouvez toujours voir la vidéo de trailer. Oui, qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube d'Activision. Voilà, donc ça peut vous donner un avant-goût et après vous pourrez sans doute y jouer après. Oui, vu que le Battle Royale est gratuit. Bon voilà, que dire de plus ? Wow. La promenade est offerte. Voilà. Écoutons la musique. La musique est offerte. La tournée est offerte. Alors là, attention, vu que Stone Mountain, orchestra. Ouais. C'était bien. Ouais, Sacrifice. C'est de qui ça? C'est de The Weeknd. Ouais. Ça y est pas encore sur Indestar. On n'est pas le Weeknd. Non. Peck Avenger, c'est comme dans Donald Duck. Mais en différent. Teddy, j'ai une question à te poser par rapport à ça. Dis-moi. Est-ce que t'as compris un seul mot de ce qu'il a dit? Bien sûr. Il a dit quoi? Moi, je crois voilà. que c'était un canard avec un bec de lièvre. Ouais. C'est pas faux. Je sais rien, j'ai toujours pas compris. Même quand Teddy le fait, c'est pas mieux. Il y a des choses qu'on comprend pas dans cette non, émission. Non, mais excuse-moi, je crois que le Donald Duck à Teddy est aussi bon que l'anglais à Kevin, non? Ouais, c'est dire le niveau de ton Donald Duck. Alors. Mon Donald Duck est génial. Alors, c'est que mon anglais est génial. Auquel cas, je pense qu'il y a un bug. C'est un tongue twister. C'est une tornade de langue. Vous savez, en anglais, c'est les phrases imprononçables. She sells, c'est ça les tongue oui. twister. Vous avez une tornade sur la langue. Même, il y a des mots. Il y a des mots anglais, mais. Pff, ouais, non. Bouffe, avec j'ai acheté à la fin, tu vois, ce genre de truc. Ah, sale ouais. langue. Et quand tu alternes les feux et les œufs et enfin, oh, super de te crasse dessus. Bon, oh, si tu veux te venger, demande-leur de prononcer Auxerre. Alors, ouais, la ville Auxerre, enfin, il y en a qui disent Auxerre, d'autres disent Auxerre. Alors, va leur donner ça, genre. Oui, parce que si je me trompe pas, le X se prononce X, quelque chose comme ça, c'est ça. Alors, je sais pas, faut me donner un mot avec un X parce que j'ai pas réfléchi. Auxilio, X. Ouais. Parce que par exemple, le prénom Xavier, ils disent pas Xavier, mais Xavier. Ouais, voilà. Mais bon, tiens, on va revenir à la nature quand même. Un ah petit bon peu. Bah, ça peut être pas mal quand même. Ah, c'est le sujet de ce soir. Oui, oh, pardon. Pareil, oui. Ah, mais non, mais on dit Xavier quand non, on mais... parle de son ex qui s'appelle Xavier. Ouais. Tout à l'heure. Non, c'est dans l'alphabet que le X se prononce. Oui, on a parlé de Call of Duty. Oui. L'appel du devoir. Là, on va parler de Call of Mère Nature. Non. Call of Nature, et oui, quand la nature vous rappelle. Vous, en fait, vous avez une vie bien rangée, PDG, je sais trop quoi, vous gagnez bien votre vie ou pas bien, etc. Il y a un moment, vous décidez qu'il y en a marre, en fait, de rentrer dans les moules, et vous vous dites, non, mais moi, je veux retourner près de la nature. Et je me dis, tiens, c'est marrant parce que de plus en plus, on voit des émissions. Des gens qui nous, y arrivent, ouais, c'est ça. Où il y a des gens qui font ça, bah, qui sont même prêts à en chier parce que quand ils montent une exploitation bio et qu'il faut tout redémarrer, etc. ils achètent un terrain super aride qui n'a jamais été travaillé. Ils commencent à travailler le truc. Alors déjà, où est-ce qu'on va trouver l'eau? Comment on va faire? Ils se rendent compte qu'ils ont des cailloux astronomiques, que le sol n'est pas fertile. Et donc, il faut mettre les animaux pour avoir l'engrais. Ah oui, mais après, il faut arriver à retraiter ça. Et en fait, y a de plus en plus comme ça de reportages, d'émissions. Je me dis, c'est même au centre de certains films, notamment depuis Into the Wild, l'appel à la nature. Dans Into the Wild, vous avez le personnage principal, je crois 22 ans, enfin bon, il est prêt à faire des hautes études. Et pourtant, ce gars, il se dit, non, moi, je sens l'appel de la nature, je pars à l'aventure, c'est voilà, je plaque tout. et en fait, voilà, on voit plein de choses comme ça, la nature présente au cœur de plein d'émissions, plein de films, etc. Et ben, enfin, je peux même citer un exemple, je connais, si vous n'aimez pas la musique, il y a un chanteur, je suis un gros connard. Non, mais vous avez sans doute connu le duo Frérot de la Vega. Oui. Tout à fait. Ouais, ils ont fait des musiques... nul. ça a cartonné. Mais c'était pas extraordinaire non plus. Je trouve ça un peu bateau. Mais bon, après, voilà, ils font ce qu'ils veulent. C'est dans le moule actuel. Là, c'est tout. Quand ils se sont séparés, il y a un des deux, alors je sais jamais lequel des deux, évidemment. Il a fait. En tout cas, il a fait un appel de la nature, hein, clairement. Ouais. Il est reparti dans la montagne, hop, il est pieds nus avec son banjo. Je caricature, mais oui. Il est là dans sa maison et il souhaiterait même faire des concerts, organiser des concerts là-bas, sauvages entre guillemets, ou qu'il y aurait que des gens dans qui la nature, aiment la nature. Faire des concerts sauvages dans la nature, quand même. Oui, c'est mais après, il y a des places intermédiaires. Moi, je peux vous dire, sans être dans les films, j'ai des amis, artistes de la nature qui font du land art que j'ai connu ici en Touraine et qui sont partis dans le Cher, en fait. Et ils ont dit à un moment, en fait, on a trouvé une ancienne porcherie, donc le truc à l'état brut, le terrain pas travaillé, ça. Et en fait, c'est tellement vaste, les bâtiments, le terrain, on va tout modifier, puis on va en faire un centre d'art comme ça autour de la nature. Et en fait, ils ont fait, j'ai vu sur leur Facebook, ils vont s'enterrer dans le Cher, une porcherie, enfin bon, bref. Ils ont construit leur truc et ils font des animations dans un village, en fait, c'est un village de potiers. Mais maintenant, centre d'attraction principal, autour, parce qu'il n'y avait rien d'autre sinon. C'est assez intéressant. Et donc il y a une question qui se pose derrière, c'est se dire, est-ce que cet appel, voilà, c'est purement utopique, ou est-ce qu'il y a des vraies choses à faire derrière, quoi. Donc si on fait comme le gars d'Into the Wild, on termine très très mal, parce que si on n'est pas préparé et qu'on se met à consommer tout ce qu'on trouve, au bout d'un moment, si on est parisien, 30 ans, jeune cadre dynamique, qui font un burn-out, j'achète une maison en campagne, il meurt au bout de 3 semaines. Je suis en colère, mais il y a des choses qu'on apprend justement en écoutant des émissions. Par exemple, moi, cet après-midi, en cherchant encore des trucs à écouter, je suis tombé sur des podcasts d'Europe 1, en fait. Donc ils ne sont pas diffusés en direct sur la radio, c'est des émissions à part, quoi. Ouais. Et il y en avait un comme ça sur les gens qui choisissent de se rapprocher de la nature. Est-ce que c'est complètement utopique de retourner à la nature? Est-ce que c'est raisonnable de vouloir redevenir sauvage? Ils posaient la question. Et en fait, il y avait un sociologue qui était là et qui a étudié le mouvement, mais qui a aussi qui a des connaissances sur la nature. Et il dit, faites attention, la forêt, oui, ça nous attire, ce calme, cette liberté, etc. Par contre, sachez qu'au cœur de la forêt, les virus s'en donnent à cœur joie. Plus vous vous rapprochez de la forêt, plus il y a de virus, et donc déjà plus vous vous exposez de danger. Après, il y a aussi quelque chose, c'est que si vous dérangez les animaux, la faune qui y vit, et puis si vous détruisez aussi la flore, etc., de nature. Voilà, hein. Vous menacez, vous déplacez aussi des problèmes. Hein. Détruisez un écosystème. C'est ça. Voilà. Et donc il faut aussi penser, quand on fait des grands projets comme ça, ça se prépare à l'avance, et puis il faut le penser sur le long terme, quoi, parce que le coup de tête, je plaque tout et je fais n'importe quoi, ça reste bien dans les films, c'est ça. Mais effectivement, dans la réalité des choses, c'est très embelli par la pop culture, hein, ça, de toute façon. Hein, c'est très embelli, on va dire, même. Il y a quand même pas mal d'exemples qu'on peut voir. Moi, je vois ça par exemple dans le manga Dr. Stone, où du jour au lendemain, on sait pas pourquoi, il y a une grosse lumière verte qui apparaît sur la planète, ça va transformer tous les êtres vivants en pierre. Et ça pendant... C'est l'âge de Pierre. Pierre. Ça s'appelle c'est le film, Stone. Voilà, c'est ça. Et ils vont rester comme ça. Je suis Pierre et je suis Stone. Pendant, alors je sais plus combien, on va dire, aller au hasard, milliards d'années. Voilà. Donc la nature va reprendre ses droits sur la civilisation. il n'y aura plus de bâtiments, il n'y aura plus rien, tout va être recouvert de forêts, d'herbes et tout ça. Et il y a le héros principal qui va, par magie on va dire, se défiger de la pierre. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on sait en quelle année on est, parce que lui, il aura compté dans sa tête pendant tout ce temps. Bonne chance hein, pour compter un milliard d'années. Ouais. Et il faut vraiment être temps, ouais. Hein. Mais bon. Ouais, je pense. Voilà. Il va se réveiller, il va avoir un but, ça va être de ramener la civilisation à la vie, hein, parce qu'ils sont tous figés, ils sont pas morts. La preuve, lui, il a survécu. Donc ils sont tous vivants, les êtres vivants aussi. Il y a des hirondelles, il y a tout ça. Il veut tout réanimer. C'est curieux, les êtres vivants sont vivants. Oui. T'as vu? Ouais, c'est. Mais du coup. Pour ça, il doit repartir de zéro. Donc, il recommence tout le processus de création d'une civilisation avec des cailloux, des branches, des champignons, des... Imaginons qu'on va faire mieux qu'avant. Bah, c'est oui. Ça. Oui, alors oui, et c'est plus un scientifique. Imaginons que la perfection, c'est l'idéal à viser. Or, perfection veut dire immobilité, donc veut dire pas de vie. Donc, de toute façon, ça n'est pas possible. Il est pour la technologie, donc... Enfin, il est pour la science. Et la science, effectivement, c'est un concept assez humain, hein, au final. De vouloir tout contrôler, de vouloir comprendre, étudier, découvrir. Je pense c'est plutôt ça la science. La science c'est répondre à des questions qu'on se pose nous-mêmes déjà. Voilà, comment ça fonctionne, pourquoi. Pour contrôler aussi les maladies, etc. Or, tu te mets à dériver puisque tu vas contrôler les naissances, tu vas contrôler le sexe, bah après, bien sûr, pas, tout, ouais. Et plein d'autres choses. Je pensais à ça moi quand tu me disais ça. Oui, parce que en off, je vous disais tout à l'heure, moi j'aimerais bien aussi savoir s'il y a des personnages de manga qui choisissent le retour à la nature, c'est-à-dire d'aller dans le sens inverse de ce qu'on a habituellement. On nous alors dit, moi, je pense on part de la nature et on va vers l'extra-naturel, ouais. Le super-naturel. Tu vois, en personnage, je pense à dans Fairy Tail. Il y en a où c'est le cas, l'espèce d'arbre qui était maître avec oui. Mavis Vermillon. L'un des quatre... Fondateurs, oui. Je crois. Oui, c'est qui ça. Était un des fondateurs, donc tout ça. Puis à un moment, il dit, je me casse. Il est retourné au... qu'il avait une magie avec des arbres, tout ça. Qu'il est retourné au niveau d'un endroit et il en a fait une forêt. Même sa maison, c'est un arbre. C'est totalement, ouais. C'est un arbre. Même lui, il devient... Même lui, en apparence physique, ça en devient. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui se disent, oui, on peut rêver de super pouvoirs, etc. Mais à un moment, d'aller étudier les pouvoirs de la nature, c'est-à-dire, oui, se plonger pour étudier le milieu tel qu'il fonctionne, etc. Et voir quel pouvoir il y a, quelle harmonie on peut avoir. Ben, c'est ce que j'ai vu dans un reportage sur France TV qui s'appelle Nouvelle Graine, en fait, où il y a des grands ingénieurs, scientifiques, etc., qui à un moment ont décidé d'avoir leur terre et puis voilà de tout recommencer. Et il y a un gars qui a filmé donc pendant des années le projet et on voit du début jusqu'à la fin et tous les problèmes que ça a pu poser. Et je me dis ça m'intéresse plus que de regarder Koh-Lanta, si vous voulez, parce que c'est bien les c'est bien. Allez, boum, mais non, ça, mais parce que en fait les gens qui vous disent ah ouais non mais moi je survivrai au la main, j'ai vu Koh-Lanta machin truc ouais. Bon, tu prends tes références dans un scénario et en plus quelque chose qui dure pas très longtemps et en plus avec des médecins sur place au cas où. Bah oui. Ouais. Bon. Alors ok, non mais très bien, ça veut dire que c'est vrai que la nature elle est au centre de plein de choses qu'on nous montre, mais il faut faire la part des choses. En tout cas j'aime bien le fait qu'on nous développe quelque chose d'autre aussi que la télé-réalité avec la mise en scène, c'est trop quoi, qu'on aille filmer ouais, des gens qui ont un projet. Alors forcément oui c'est peut-être scénarisé, il y a du montage etc, mais ça reste quand même assez crédible. Et en plus je me dis surtout quand on nous montre les difficultés que les gens ont dans leur projet, qu'on ne montre pas que la belle chose, parce que quand vous montrez la télé-réalité ça peut être coupé moment pour pas vous montrer quand ça a foiré, quand on choisit dans un reportage de vous montrer justement quand ça a foiré, comment on a rebondi, hein, parce que moi j'ai vu dans Nouvelle Graine il y a un gars, mais il pète littéralement un câble et en fait c'est un de ses potes qui va dire non mais moi là tu vas aller prendre quelques jours de vacances après, parce qu'il était prêt limite à baffer sa nana alors que c'était un pacifiste à la base, tellement il s'était mis la pression. Quand tu te mets un projet comme ça d'avoir tes propres terres, les cultiver puis en fait de faire appel à personne, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, bien sûr, c'est ce que vivent entre guillemets les agriculteurs. Malgré tout, on y pense pas assez, mais c'est vrai que les agriculteurs et tout ça, en ce moment, ils ont la vie dure. Ils ont quasiment toujours eu la vie dure, mais c'est vrai que leur culture, c'est 7 jours sur 7. Un agriculteur, ça n'a pas un jour de repos. Le pire, c'est les éleveurs. Hein. Les éleveurs aussi, c'est encore différent, c'est tout le temps. Et ça, c'est intéressant aussi d'aller voir des émissions. Alors, presque. sur les chaînes un peu comme LCP, la chaîne parlementaire, où en fait on voit comment des associations justement se sont mis au service des éleveurs ou des agriculteurs, en fait, en ayant des gens qui sont comme moi, en fait, qui n'ont pas un poste fixe, mais qui passent de ferme en ferme et qui vont remplacer en fait les fermiers pendant quelques jours pour qu'ils puissent se reposer au final, ou des associations, vous savez, les coopératives se montent aussi pour monter des magasins. Enfin, moi, en ce moment, je regarde plein de choses. Il y a énormément de choses en fait autour de la nature et je me dis, au lieu d'écouter les politiques qui se battent, qui veulent absolument foutre un truc d'écologie pour avoir des voix, mais en fait après ils vont rien en faire. Quand tu vois des vrais gens, même sur LCP, en fait, il y a des émissions où il y a un sénateur qui est invité dans sa région pour parler de ce qu'il connaît, des problèmes, etc. Et on rencontre un agriculteur, un restaurateur, etc. Bon, ils n'ont pas pris n'importe qui, mais on est sur le terrain et on voit des choses. Enfin, voilà, je préfère quand même. Ouais. Hein. Soit. Voilà, j'ai fini. Petite question qui me vient. Kevin, quand je te dis nature, tu penses à quoi, toi, directement? C'est-à-dire? Non, mais ils pensent pas, de toute façon. Moi, le problème, c'est que je pense pas. J'agis. Ah. C'est t'as pas rapide. Une image qui te vient en esprit, un truc, un jeu vidéo, un film, un jeu. Si tu te mets sur les jeux vidéo, il va te trouver quelque chose là. Hein. Le premier truc qui te vient en esprit, voilà, quand je te dis nature. Je vais prendre le jeu où j'ai totalement grandi avec. Heroes of Might and Magic. D'accord. Non. Heroes of Might and Magic. D'accord. Heroes of Might and Magic. C'est ce qu'on va parler tout à l'heure, ça, non? Oui, juste après Gifla Starlight. PK Avenger, c'est comme dans Dragon Ball. Oui, allô? Je n'entends rien. Oh, excusez-moi, mais mon téléphone est à faune. Mais en différent. Ah, on nous entend un peu plus quand même, hein, vu que Tortue Génial, le pauvre, oui, c'est alors la galère. Lui, il est peut-être à faune, mais pas nous en tout cas. Nous, vous pouvez être sûr qu'on nous retrouve en tout cas au podcast sur indestar.fr partout. Vous nous entendrez tout le temps. Tout le temps. C'est sûr. Et notre téléphone n'est pas à faune. 09 70 407 306 est à votre disposition. Pas 24h sur 24, vous pouvez appeler, mais on ne sera pas là. Mais là, il serait temps d'appeler. Hein, il est bientôt 23h, il faut appeler. Il faut appeler Rio, je crois. Rio de Janeiro. J'ai pas l'accent. Mais bon, Rio de Janeiro. Rio. C'est pas mal. Ouais, c'était un peu mieux. Faut rouler l'air. Rio de Janeiro. Non. C'est portugais, c'est pas espagnol. Oui, c'est brésilien. Ils roulent l'air aussi au Portugal. Hein. Moi, j'ai pas. Ils sont très bizarres, ils font des ch. Oui, non, mais j'ai pas entendu les mêmes portugais alors, je crois. J'ai fait de la capoeira. Attention, on parlait portugais. Je parlais portugais par des certains moments. Ouais, sais dire tortue en portugais. Et ça se dit Tartaluga. D'accord. Tortue. Et morue. Et comment? Morue. Bon, ça se mange, ça se dit pas, ça se mange. Ouais, c'est ça. Je sais dire des trucs en portugais. Attention, Anafrine n'a qu'à bien se tenir. Bon, en attendant que tu perfectionnes ton portugais, on va aller faire un tour dans un jeu vidéo. Donc, Heroes of Might and Magic. Donc, pour un peu expliquer. Ah, on a un appel à Parme. C'est ça ce petit truc qui bip? Oui. Allô? Allô? Allô, vous êtes bien sur Indestar. Allô, es-tu avec... Ça, c'était ce qu'on appelle un raccrochage de nez en bonne et due forme. Ouais, c'est-à-dire s'il n'y a pas eu de retour, forcément. Si, il y avait un retour. Si, il nous entendait normalement. Oui. La vraie question, c'est... Mais qui était-ce? Eh ben, si vous êtes patient, si vous voulez bien nous rappeler. Oui, n'hésitez pas à rappeler. Parce que moi, il y a écrit Anonymous. Parce que là, on nous a fait des grands signes qu'on avait un appel. Mon évidemment, Dieu. On n'avait pas mis le son. Bon. Oui, c'est compliqué. Mais c'est les Anonymous qui m'appellent. Aïe. Bah, vous connaissez les Anonymous? Oui. Ouais, c'est un groupe. Groupe de hackers, on va dire, anonyme sur Internet. C'est ça. Ils veulent hacker l'émission tellement les miens. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc, on s'est fait repérer. Ouais, donc on va en revenir à Heroes. Hein. Ouais. Ça peut être pas mal quand même. Parle moins fort, on est repéré. Oula. Faut chuchoter. T'as dit un truc qu'il fallait pas, Kevin. Ouais, je crois. Donc Heroes, donc, c'est un jeu de stratégie au tour par tour. On a le choix entre 6 armées. Donc la vie, l'ordre, la mort, la puissance, le chaos et évidemment la nature. D'ailleurs, Teddy, tu as un petit bed pour moi. Oui. Un bed, une musique de fond, tout ça qui vient directement du jeu. Donc là, c'est pas le thème de la nature. Le thème de la nature, il y avait des paroles. J'ai été prendre le thème de l'océan, de la mer, dès qu'on est sur l'océan. Ça fait très taverne. Ouais, un peu irlandais, oui, ouais. Un peu taverne. Ouais, ça donne soif. Ouais. Donc, la nature, donc, c'est un élément du jeu. Un allié à 95% du temps avec la vie et l'ordre contre la mort, la puissance et le chaos. Donc forcément, après, une fois que les autres armées sont mortes... Ça insiste, ça insiste. Oui. Appel de la nature. Allô ? Ah. Radio Indestar, bonjour. Pouvez-vous articuler, s'il vous plaît ? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se trompe. Non, mais ça n'a pas marché, c'est bizarre. C'est extrêmement étrange, parce que moi, j'ai... Attends, si je monte cette tranche-là, si je monte la tranche-là... Non, ce n'est pas non, ça. Non, c'est pas ça. J'ai tout allumé, j'ai tous mes curseurs en on, je ne comprends pas. Mais qui est cette personne qui essaye de me... De et puis qu'est-ce qui ne marche pas ? C'est ça, ouais. C'est l'auditeur mystère. Je sais pas. Qui teste notre téléphone. Nous entends-tu, Anonymous ? Là, il y a je une blague. Je crois qu'il capte mal. Non, mais je pense que la personne capte mal. C'est possible. Parce qu'on entend des petits trucs. Mais... Oui, tu sais, comme une souris qui est en train de gratter le plancher. Ah oui, mais... Ouais, c'est peut-être une souris qui... Eh, ne bouffe pas les fils. C'est la nature qui nous appelle. Ouais, c'est ça. La nature est anonyme ce soir. Ouais. Bon, donc, et à la rigueur, si vous nous connaissez là sur Facebook, envoyez un petit message dans la messagerie. Ouais, on vous fera un petit voir coucou. Voir si vous dites nous si vous entendiez quelque chose. Envoyez un message à Kevin. Ça tombe bien, voilà, si vous avez une demande particulière, on traitera ça comme ça. Ouais. Oui. On enverra ça au service consommateur. Oui. Donc, pour l'élément de la nature, il y a 4 niveaux de créatures dans le jeu et 2 héros. Donc, en héros, il y a le druide. Évidemment, vu que bon, c'est nature, druide, ça va ensemble. Donc le druide dans Heroes, il a la capacité de lancer des sorts. Donc que ce soit des sorts d'invocation, des sorts de chance, des sorts de fortune. Donc on y reviendra tout à l'heure, vu que dans Heroes, il y a des créatures justement qui font ça également. Après, il y a le deuxième, vu que ça va toujours par deux les héros, c'est un archer. Évidemment, la nature, donc... Archer, ça va totalement ensemble, encore une souvent, fois. Souvent, oui, les archers, c'est souvent les, voilà. les gars, les chasseurs, en fait. Ce qui représente assez souvent, c'est quand même les druides et les archers. Ouais, c'est vrai. Je trouve que bon, le jeu est totalement dans... Les druides encore plus. Ouais. Les druides, ils sont du côté de la nature. Les archers, ça. Bon, bah, souvent, ils servent de la nature, tu vois, plutôt. C'est ça. Donc, pas pareil. Après, ces deux héros, donc, on va commencer par le niveau 1, qui est le niveau le plus faible du jeu, et qui, moi, en tout cas, je vais parler personnellement... Bah, je m'en servais juste de sacrifice, en fait. J'allais voir, tu sais, un peu pour jauger les armées, comment c'était en face. Le healer, le soigneur du groupe. Non, même pas, en fait. C'était des armées, j'envoyais un de chaque. Donc, il y a les loups. Donc, les loups sont extrêmement faibles dans le jeu, en fait. Ah. Et donc, tout le monde sait à quoi ressemble un loup, hein. 4 pattes, gris. C'est classe, un loup, hein. L'envoyer en sacrifice. Tu sais, t'envoies un blaireau, plutôt, c'est mieux, ou je sais pas. Alors, non, parce qu'il n'y a pas de blaireau dans le jeu. Ah, c'est nul. Oui. Et dans les deux sens du terme. Pas comme chez nous. Et donc, le loup, il peut attaquer deux fois. Ouais. En gros, il va mordre une fois et après, il va remordre tout de suite. D'accord. Donc, on va dire, comme créature de sacrifice, c'est pas mal. Vu que bon, si t'en as un petit peu, ça peut faire un peu de dégâts et au pire, ça t'affaiblit. Donc, d'accord. C'est plutôt utile. Il y a le farfadet après. Le farfadet. Oui, tu dis, vas-y. Tu passes du loup au farfadet. Oui. Oui, parce qu'en fait, dans le niveau et même dans le jeu, le loup est plus faible. À cause d'une chose. Donc, le farfadet a une vitesse extrêmement élevée. Donc, il va attaquer avant le loup qui a une vitesse moyenne. Ouais. Mais en plus, il va empêcher l'ennemi de se défendre. Donc, en gros, quand tu attaques, bah, l'autre va pouvoir contre-attaquer, évidemment. C'est putainement ridicule. Ouais, mais c'est bon, bien. Ouais. Donc, farfadet à l'attaque. Oui. En face, t'as quoi ? T'as un troll. Il l'écrase d'un coup. Bah, tu te fais troller, quoi. Tu dis ça, mais dans le chaos, il y a une créature qui s'appelle le troll. C'est sûr. Ah ouais, non mais... Et donc, la dernière créature, vu qu'il y en a 3, c'est le léprochaune. Donc, il lance un sort de chance à ses alliés, qui s'appelle donc Bonne Fortune. Ça va bien ensemble. Ah ouais, ça c'est de la chance, oui. Et donc, la chance dans le jeu, ça va te permettre de mieux encaisser les coups. Ah, donc, et pas faire des dégâts critiques ? Non. Même pas. Non, vu que c'est autre chose qui permet un peu ça. D'accord. Donc, après le niveau 1, il y a le niveau 2, forcément. Oh, c'est bizarre, ça. Oui, c'est bizarre. C'est curieux, ça. Ça va bien ensemble. Hein. Ouais. Donc, il y a les elfes dedans. Donc, les elfes qui sont des archers dans les jeux. Ouais. C'est souvent ceux qui représentent la nature dans beaucoup de... De jeux. Oh, j'allais dire, oui, beaucoup de jeux. De jeux, beaucoup d'univers, hein, clairement. Dans beaucoup de choses, oui, c'est vrai qu'ils représentent. Et donc, ils tirent des flèches. Mais comme le dit le vieux proverbe, mieux vaut deux fois qu'une. Donc il tire deux flèches au lieu d'une seule. C'est tu vois, notre épique. Héros, on après, va dire. En vrai, j'ai déjà essayé de tirer deux flèches. Mais alors, ça pas marche, deux, hein. Pas mais deux flèches en même temps, attention. Ah. C'est, il va tirer une flèche à la fois, et après, il va pouvoir refaire. Tu vois, c'est un peu comme le loup. Ouais. En gros, il va avoir deux attaques. D'accord. Et pour t'expliquer, notre archer, donc, qui est notre héros, il a certaines doses de maîtrise, donc. Tu vois, archerie, on va dire, il va être nul, il va tirer une flèche. Ouais. Et quand il va être grand maître, il va pouvoir tirer deux flèches. Donc ça veut dire que l'elfe de base, il est grand maître en archerie. Ouais. Donc t'imagines ouais, c'est normal. Ils ont toujours eu une affinité avec les arcs. Enfin, on le voit souvent en pop culture. C'est un peu curieux, ça. Tu peux même pas t'entraîner, finalement, quand t'es mauvais, parce que tu peux tirer qu'une flèche. Bah, quand t'es un archer, oui. Tu tires une flèche dans ta vie, et t'es... en fait, t'es une guêpe. C'est ça. Non, une abeille. Une abeille. Oui, oui. Donc, moi, je me disais, alors, comment tu fais quand toi, tu n'es pas une flèche? C'est compliqué. Bah, tu files dans ta chambre. Donc, on va continuer avec le niveau 2 avec les tigres blancs. Ouais, as-tu déjà tiré comme une flèche? Ouais. Oui, ah. Donc les tigres blancs, non. Dans la nature, donc, c'est l'une des deux créatures les plus rapides qu'ils possèdent. Donc, niveau rapidité, forcément, tu te déplaces plus vite, donc t'attaques en premier. J'ai jamais vu de tigre. Enfin, c'est rapide, mais bon, ouais. Non, mais je sais c'est pourquoi. Attends, c'est logique. Le tigre blanc, c'est un tigre des neiges, donc. Il va plus vite parce qu'il glisse sur la glace. C'est pour ça. Ah, ça peut. Voilà. Donc, il a la capacité initiative. Donc il va attaquer en premier toujours. Ouais. Peu importe contre qui il est, il sera en premier. Et donc bah, c'est plutôt utile, on va dire, comme créature. Moi, je préfère ça aux elfes, par exemple. La violence. Bah, les elfes sont bien aussi, mais disons que dans un combat. Il a souvent... appelé sa créature. Le jeu. Bah, c'est des créatures dans le jeu, donc. C'est très elfo. Enfin, c'est mieux que les farfadés, parce que les farfadés. Oui, les farfadés, mais on leur crache dessus. Les loups, les farfadés dans le jeu, tu les prends, tu les balances. C'est de la chair à saucisse. Ouais, c'est ça, c'est de la chair à canon. Ouais. Et donc, il y a une troisième créature aussi, c'est le satyre. Et ça, en fait, que j'explique, c'est sans doute ma créature préférée de la nature. Oui. À cause de deux choses, en fait. Il est fun. Tu vas le voir. Les jambes de bouc, vraiment ? Ouais. Oui, non, mais en fait, que je t'explique, il a une petite pause, il va être en face, il va mettre ses mains au niveau de sa tête et il va faire « tu me vois pas », quoi. C'est en plein combat, mais quelle créature irait faire ça, déjà ? Et la deuxième, il vit dans un tonneau. Mais d'accord. Plein ou vide ? Bah, je pense vide. Ah. C'est pour ça que ça vient... Oui, de la vide, alors bon... Ouais, c'est ça. C'est ça son nom, un satyre. Ouais, c'est ça. Satyre le vin, ouais, d'accord. Ouais, satyre le vin, oh, ouais. Oh, c'est bien vu. C'est vrai, wow, que c'est bien vu. Wow. Donc, lui, il peut lancer un sort de morale à ses alliés. Donc, le moral... un satyre qui lance un ouais, sort de morale. T'as vu, c'est pas mal. Il offre juste du vin, hein. Faut pas chercher plus loin. Et donc, le moral dans le jeu, ça te permet de jouer en premier. Donc... ouais. Évidemment, plus t'es rapide, plus tu peux jouer en premier. Allez. Mais si t'as des créatures plutôt lentes, une bah, créature tu joues comme en dernier, ça, mais tu tapes plus fort. Non, voilà. Si t'as des créatures lentes, tu joues en premier, mais t'arrives en dernier. Non, tu joues pas en premier, tu joues en dernier. Bah, je trouvais que j'avais trouvé une formule. C'est mais souvent le compromis dans les jeux vidéo. C'est ceux ça. Qui sont rapides, ils frappent pas fort, ils frappent beaucoup et pas fort. Mm. Et ceux qui frappent lentement, enfin ceux qui sont lents, ils frappent fort. Fort. Alors dans le jeu, c'est un peu différent vu qu'en fait, tu as un système de nombres. Par exemple, tu peux avoir 100 tigres blancs ensemble, mais en une seule créature. C'est en gros, tu as plusieurs nombres et tu peux recruter au fur et à mesure. Ouais. Donc, après, donc ça, on va voir le niveau 3 qui est composé. Donc, les autres niveaux étaient de 3 créatures. Ouais. Bah, le niveau 3 pour la nature, on a 4. Ah. Alors, pourquoi en avoir 4 ? On ne sait pas. Sans parce doute. Que Mère Nature est toujours plus puissante. Ouais, c'est ça. Donc, il y a un griffon. Ça tape plus dans. Alors, nature est discutable, mais ouais. Oui, mais disons que c'est l'élément qui est basé comme ça. Donc oui, bah oui. Forcément, donc. C'est un aigle avec un lion, un petit peu, on peut dire, quand même. C'est pas la manticore, ça ? Bah, en tout cas, dans le jeu, ça s'appelait Griffon. D'accord. Donc, je sais pas si... Pourquoi pas ? Voilà. Donc, c'est des créatures extrêmement redoutables. Ouais. Je compte pas le nombre de fois où je me suis fait détruire à cause de ces bêtes, qui sont trop fortes. C'est juste trop fort, en fait. Ça vole, déjà. C'est des saloperies. Ça a des griffes, ça mord. C'est des saloperies, tout simplement. Ouais. Après, donc, Yal... Ouais. Oui, non, rien, j'allais dire ça griffe les rideaux. Ça. Oui. Ouais, une connerie encore, c'est ça. Oui, bah que tu fasses. Après, d'autres. Donc, on a la licorne. S'appuie sur les canapés. Donc, d'après vous, où peut vivre une licorne, Luc ? Dans une forêt ! Dans la forêt de Sherwood. T'es pas loin avec une forêt. Ouais. Chez Lisa Simpson. Non. Dans une clairière. Ah oui. Ah ouais. Dans une clairière, au fin fond d'une forêt. Bon, on va dire oui, vu que tu la veux, ta forêt, absolument. Donc. Forcément, bon, une licorne, c'est pas... Moi, je préfère le griffon, en tout cas. Oui, bah, te connaissant, oui, ça, oui. Ça... C'est fort pour se battre, une licorne. Bah, ça peut être assez sympa. Attends, quand ça te fout un corps de 50 dans le cul. Non, vu qu'en c'est fait. C'est vrai que tu chantes une autre couleur. Mais, vu qu'en fait, pour t'expliquer un petit peu, la licorne, elle va te mettre un coup de corne, qui est évidemment logique. Waouh! Sauf qu'elle peut t'étourdir en même temps. Ah. Donc, si elle t'étourdit, bah, tu passes ton tour. C'est vrai que 4 transferts. Bah, si t'es déjà un étourdi de nature. Ouais. Donc, tu passes 2 tours. Après, on va continuer avec les élémentaires. Ouh, élémentaires de terre. Donc, il y en a 4. Mais vu que leurs pouvoirs sont plutôt minimes à côté des autres, on va seulement les nommer. Donc, la terre, ouais, qui se déplace lentement mais qui tape fort. Le vent, qui se déplace vite mais qui tape nul, quoi. Ouais. En gros. L'eau, qui te permet de lancer des sorts. Et le feu, qui balance des boules de feu. C'est très normal. C'est Mario, ouais, ça, c'est les ça. Boules de feu. Hein. C'est et... Mario et boules de feu, ouais, mais ça aussi, c'est. Ouais, c'est ça. Et donc, pour finir, il y a le Trifide. Donc, qui est une créature un petit peu robot qu'ils ont mis. Donc, robot, mais à expliquer, c'est un peu compliqué en fait. C'est une créature robot, mais vivante. Tu vois qu'on trouve uniquement dans la nature. Alors, oui, Teddy, t'as fait une tête bizarre. Et oui, je te confirme, c'est très bizarre comme bête. Donc, c'est un attaquant à distance. Il projette des espèces de pommes de pin en pique. Enfin, on sait pas trop. Oui. Ça c'est fait, on a un trifide dans le studio vu que Thierry nous a apporté notamment des pommes de pin, il m'en a lancé une. Mais c'est pas une créature très très forte non plus. On va dire la nature en dehors des classiques. Thierry n'a pas l'air d'accord. Hein. Oui. Alors attention vu que je vais en reprendre une. Donc... Donc... Les pommes de pin c'est pour le boulanger. Ouais c'est ça. Donc, oh, après il y a le niveau le plus puissant donc, qui est le quatrième avec 3 créatures. Ou 3 représentants, c'est selon, hors DLC, vu qu'ils ont rajouté des créatures, et donc il y a un Gargantua qui est un attaquant à distance, qui est donc la créature ajoutée. Dedans, on peut retrouver une mante religieuse. Oh. Oui, mais pas une mante religieuse en format minus. Le prédateur ultime. Ouais, c'est ça. Donc, elle, ce qu'elle va faire, donc, elle se déplace extrêmement vite, aussi, bon, pas aussi vite que les dragons, que le dragon, que le tigre, ou... l'autre créature qu'on verra plus tard. Et le dernier ennemi qu'elle a attaqué, elle va être restreinte dans ses mouvements à hauteur de 90%. Donc si t'as une créature comme le diable par exemple pour la mort qui peut se déplacer sur tout le terrain, eh ben, elle se déplace plus en fait. D'accord. Tu vas totalement bloquer cette créature. Ouais. Et comme le tigre plan, elle possède initiative aussi. Mmh. Ce qui fait que ça en fait une créature extrêmement forte. Ah oui, en même temps c'est une montre religieuse. C'est ça. À l'échelle d'un tigre, c'est le tigre que je plains. Ouais, c'est ça. Donc, il y a un phénix aussi. Bon, ok, ça tape dans la créature légendaire. Oui, on aussi. On avait déjà la licorne tout à l'heure et le griffon, là. Oui, le bon, phénix. Bah, mine de rien, bon, forcément, jeu vidéo, donc il part feu, un peu dessus. Le feu. Voilà, donc le phénix qui est une créature de feu, il peut se déplacer pas mal aussi, forcément, vu que c'est une créature volante, il peut voler au-dessus des portes, tout ça, notamment. Vu que pour, dans les châteaux, donc il y a des ponts-levis, tout ça, donc. Il peut passer au-dessus. Ouais. Et donc, il a un sort qui est Renaissance du Phénix. Sans déconner, dis donc. Oui, c'est bizarre. Le Phénix, quand c'est déjà... Quand il meurt, il ressuscite. Alors, soit ça, bravo, soit il l'utilise pour ses alliés. Pour faire revenir ses alliés. C'est un soigneur. Alors, c'est un soigneur et un... DPS. Ouais, c'est ça, et une brute, en gros. Oui. Et donc, on va finir avec la dernière créature qui est derrière le satyre, on va dire, ma préférée, c'est le Dragon Fée. Alors, vas-y, t'es c'est dit... quoi ce mélange de merde? Alors, une fée qui a enculé un dragon, non mais sans déconner. Justement, c'est pour ça que je voulais voir ton explication. T'avais fait Pokémon, une tête. Les dragons et fées, ça va pas ensemble. Non, et... Bah là, on va dire, en fait, c'est un dragon qui peut te lancer des sorts. Par la poussière d'étoiles. Alors, non, il a 4 sorts. Mauvais manga, ça. Ouais, il a 4 sorts, donc l'anneau de feu. Ouais. Qui te permet, si tu as une créature qui est encerclée par des ennemis, bah tu vas lancer l'anneau de feu autour de ta créature. Les autres créatures... C'est mieux. Voilà, les autres créatures vont prendre des dégâts, mais pas la tienne. Ouais. De la confusion, donc, qui va inverser les... Alors ça, c'est quand il fait une danse un peu bizarre, non, le dragon. Ouais, on peut. Ouais, en vrai, quand il le fait, en plus, il se met debout. Ouais, tu sais, il se met sur dance. Ses pattes arrière. Il te fait donc, un pole dance. La boule de feu, bah, qui va tout simplement lancer une boule de feu. Classique. Le dernier, mais le plus puissant des quatre pour moi, la foudre. En gros, il va faire tomber un éclair sur un des ennemis. C'est cool. Et il a un sort... qui n'est pas utilisable mais qui est actif, qu'on appelle le miroir magique dedans. Donc, c'est quoi, il se regarde et pouf. Non, alors, vu que, par exemple, il y a les druides qui vont te lancer des sorts. Ouais. Mais dans les autres nations, tu as l'équivalent. Ah oui, du coup, donc, ça renvoie les sorts. Voilà, c'est ça. Oui. En gros, il va te renvoyer les sorts. Et donc, si t'affrontes un dragon fée qui te balance une foudre, bah, sur ton dragon fée, en fait, le problème, c'est que l'autre dragon va prendre également. Vu que... C'est assez con comme principe. Un combat de dragon fée. Oui, vu que ça peut arriver. Bah oui, oui, oui, oui. Mais c'est... Enfin, dans l'idée, tu vois, là, j'imagine du fairy tale. Du... Ouais, non, c'est très bizarre, ce truc, dragon fée. Ouais, mais tu vois, c'est que c'est avant fairy tale, ça, comme jeu. Ouais. Et dans Fairy Tail, les dragons sont stylés quand même. Ah, dans celui-là aussi, hein. J'espère, parce que c'est un dragon fait. Ouais, quand même. Non. Vu que dans celui-là, bah toi, Daniel, le peu que t'en as vu, vu que tu m'avais vu y jouer à l'époque avec mes deux frères notamment. Ouais. Et c'est vrai que les dragons, c'était. Ah, bah oui, c'était. Et tous, hein. Franchement, quand j'entends ta nature, je préfère finalement vivre dans celle de Thierry qu'on a entendu tout à l'heure, même s'il a la culture de la terre, c'est pas facile, hein. Ah, bah c'est sûr que oui, mais. Parce que là, waouh. Oui. Bah c'est un peu plus violent quoi. Ouais, ouais. Non mais c'est vrai que je me rappelle et la nature, t'es vraiment au milieu de la nature dans celle-ci. Ça c'était hyper intéressant. Bah, d'accord. Peut-être qu'ils écoutent de la musique au milieu de la nature. Oui, j'allais dire même, est-ce que Daniel, en Amazonie... Il y a de la nature. De la nature oui, ou... Y en a. Ou de la musique, mais bon. Ou des phéniches. On verra avec Nola. Ou des licornes. Fatigue. Il y a de la nature. Il y a de la nature. Donc Nola, Fatigue, sur Indestar. Peck Avenger, c'est comme... Dans Naruto. Mais en différent. Oui, bah oui, C'est différent. C'est différent, oui. Je confirme. L'Amazon, Naruto... C'est ce que j'allais dire, pareil peut-être qu'en Amazonie, ils comprennent, hein, peut-être. DPA, bon. Non, mais oui, c'est pas pareil. Ouais. Peut-être qu'en Amazonie, il y a d'autres choses aussi, Daniel. Il y a des ninjas en Amazonie. Oui, mais pas pareil. Ah. Je m'attendais à un nom, mais. C'est ça. Est-ce qu'il y a des catastrophes naturelles qui s'appellent Daniel en Amazonie? Bon, t'as déjà une d'ici, il va pas y en avoir partout, hein. C'est ça. Alors, moi, je me suis aussi intéressé au. On va parler des catastrophes naturelles, mais le décor par lui-même peut aussi être finalement le héros du film. Voilà, j'ai intitulé d'ailleurs mon sujet, je me pétais Amazon. Mystérieuse héroïne. Mais bon, j'ai fait une faute d'orthographe, j'ai écrit héroïne comme la poudre et blanche. Et t'as écrit Amazon sans E, t'as pensé au site? Non, j'ai mis Amazonie. D'accord. Alors, il se trouve que j'ai trouvé beaucoup de films français là-dessus. Wonder Woman. On a dit français. C'est assez curieux. Déjà. Alors, je vais commencer par un film français quand même, il y en a tellement. Oui. Hein. On peut faire aussi dans le fun. Marsupilami. Non, bah je l'ai pas mis celui-là. Ouais. Non, ça, parce que ça, c'est là-dedans. Oui, mais c'est un pays imaginaire que je voulais de la vraie Amazonie, là, vraiment là. Mais pur, le dur. Tu pensais genre au personnage même des Amazones on verra ça une autre fois. Ça, le fantasme des Amazones, on verra ça une autre fois. D'accord. Je vous promets, je sais pas quand, mais plus tard. Je me la ferai l'Amazon. Moi aussi, je monte l'Amazon. Ça y est, dit Jeff Bezos. Ça y est, tout est dit. Voilà. Il y a le premier film s'appelle Le film du français. Il est sorti le 15 décembre 1999. Et ça s'appelle Le film du français, vraiment? Ouais, Le fils du français, pardon. C'est pas pareil. C'est pas la même. À force de parler de films, c'est pour ça. Oui. Je fais le ménage avec l'épi de blé. Oui, parce que là, j'ai besoin d'être aéré, apparemment. Hein. Oui, je crois bien aussi. C'est un film avec Josiane Balasgo, Fanny Ardant et Thierry Frémont. C'est un gamin qui a 9 ans qui veut retrouver son papa qui est chercheur d'or au Brésil. D'ailleurs, vous verrez, il y a beaucoup d'histoires d'or, d'ailleurs. En Amazonie? Oui, surtout avec les films français. C'est un fantasme. On veut de l'or, l'Amazonie. Voilà. C'est ça. C'est l'or. Alors, il n'y a que deux personnes qui peuvent l'accompagner, ce sont ses deux grands-mères. Mais... Alors, il y en a eu Josiane Balasco qui est vraiment la charretière, tout, et puis Fanny Ardant qui est la BCBG. Donc, tout le film est basé là-dessus. En Amazonie, je vous dis pas, c'est. Un combo. Ouais, c'est ça. Enfin, j'aurais peut-être dû commencer par l'américain qui s'appelle Bienvenue dans la jungle. J'aurais peut-être dû faire celle-là, mais il y avait tellement de français que j'ai préféré commencer par un français. D'accord. Ouais. C'est un film de 2003 avec un catcheur, Dwayne Johnson. Ouais, The Rock. Mmh. Donc. Et bah, lui, il a un drôle de boulot, il est homme de main. Ouf. Ouais, il y a des femmes de ménage, mais il y a des hommes de main. Oui. Après, c'est il est procrastinateur s'il est. Ouais, demain, ouais. Ouais, mais c'est parce qu'il a des dettes et il doit rembourser son. à son employeur, crédit. Voilà, son crédit. Et puis, son employeur, il demande d'aller récupérer son fils qui est à... Tiens, encore un archéologue raté qui est parti à la recherche d'un trésor perdu qui s'appelle El Gato del Diablo. Le chat du diable, bon. Ah, d'accord. Bon, ouais, j'avais compris le gâteau du diable. Ouais, mais ouais. Ouais, la oui. mission qui devait être simple sur le papier, évidemment, évidemment. Ça peut pas être compliqué. Hein. Alors c'est un film quand même qui a reçu un, ce qu'on appelle en 2004 un Taurus World Stunt Awards. Pardon, j'ai oublié le Awards pour une cascade qui est une chute le long d'une colline en plein d'obstacles qui finit dans un plan d'eau, mais la cascade a été effectuée sans harnais, sans sécurité. Et avec deux jambes cassées. Mais et le plan d'eau s'est vidé. Ça peut. D'accord, oui, c'est pour les meilleures cascades, ça récompense les meilleures cascades. Voilà, c'est ça. Surtout quand ils sont morts, ça leur coûte que dalle. Alors moi, ce que j'ai retenu du film, c'est qu'il y a un morceau, une musique que j'aime beaucoup, qui est La Grange de ZZ Top. ZZ Top, on dit. ZZ Top, on dit. Ouais. Mais je voulais faire le français ZZ Top. Ah, d'accord. Il n'y a pas de truc français, alors j'ai dit, je vais rajouter encore un truc français. Oui, si tu veux, soyons chauvins de temps en temps, ça change d'être chauve. Il y a juste une petite erreur, c'est qu'à un moment, Dwayne Johnson se fait attaquer par des babouins. Wow. Ouais. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas en Amazonie. Exact, ouais. Teddy. C'est plus ça le choquant. Voilà, c'est ça. D'accord. Ouais, ouais. C'est en Afrique, évidemment. Oui. On va retourner dans l'or. Il y a un film qui s'appelle Orpailleur, encore un film français. Ouais. Encore une histoire d'or de 2009. C'est un... Alors là, on a le combo, là, le... Le Parisien d'origine guyanaise, son ami d'enfance qui est des cités, et puis une jeune guide touristique qui est l'écolo convaincu, profonde et tout ce que vous voulez, qui milite que pour ça, qui se retrouve au cœur de la forêt amazonienne. Problème, il se retrouve pris dans le milieu qu'on va qualifier, théâtre hostile et archaïque, des chercheurs d'or clandestins. Ah, ouais. Vont-ils faire fortune ? Ou mourir ? Telle est la question. Voilà. Ouais. Ah. Un film, moi, qui m'a... En général, je regarde un film moi, pour me distraire, pour me changer les idées. Mais là, franchement, il m'a beaucoup marqué. Ça s'appelle La Forêt d'Émeraude. On n'est pas dans l'or, ce sont des émeraudes. C'est pas loin, c'est pas loin. Ouais, c'est ça. Qui est un film britannique de 1985 et qui est basé sur une histoire réelle. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Parce que ça fait peur. Oui, c'est l'histoire d'un ingénieur américain qui vient construire un barrage hydraulique au bord de la forêt amazonienne. Ouais. Ils s'installent avec leur femme et leurs deux enfants. Ouais. Le seul problème, c'est que le gamin Tommy se fait enlever à l'âge de 7 ans par une tribu indigène ouais. Voilà, de l'Amazonie. Il termine, le père quand même termine le... Mort ? Le barrage. Non, le barrage, 10 ans plus tard. Et le gamin, finalement, il est élevé selon les coutumes de la tribu. Et il l'appelle Tom dans le film. Hein. Mmh. Et donc, il se passe tout un tas d'aventures. Il doit suivre un rituel par rapport à la nature. Alors, c'est un film assez émouvant. Je parle rarement comme ça, parce qu'en général, comme je vous disais, c'est pas le genre de film que je regarde. Mais là, franchement, voilà, y a beaucoup de relations humaines avec en plus vraiment au centre la forêt amazonienne, tout ce qui se passe dedans. Tu dis qu'il s'appelle Tom ? Tom, ouais. Tommy, exactement. Tommy, je l'appelle. Je crois que c'est une histoire vraie, effectivement, comme tu l'as dit. Et il portait le même nom. Et il y a même une référence, si vous vous rappelez des saisons, les premières saisons de Pokémon, quand Sacha, il rencontre des kangourex. Il y a un enfant qui a été perdu par ses parents, des riches parents. Voilà. Des riches parents. Nous avions compris, mais c'est bien d'avoir précisé. Ouais, c'est mieux. Ils ont perdu leur enfant, qui avait, je sais pas, 4 ans, et du coup, il s'appelle Timmy ou Tomo, je sais plus. Truc du genre, et ça fait sans doute référence à ça. Oui, c'est ça. Du coup, il vit avec les kangourex, la classe. Il est drapage en kangourex, la classe. Ah. Il parle le kangourex, la classe. Il dirige un groupe de kangourex, la classe. Mais c'est pas un kangourex. Mais c'est pas un kangourex. Mais il est dans la poche d'un kangourex. Waouh, la classe. La vraie question qu'on se pose, c'est s'il est méga évolué, parce que Pokémon peuvent méga évoluer, le kangourex, le bébé, normalement, il sort et il se bat avec sa mère. Est-ce que, si on a un Tomo ou un Tommy, est-ce qu'il sort de la poche et il se bat aussi ? On remarque que ça pourrait être drôle. Je vous invite à regarder le film pour savoir, mais sachant qu'il n'y a pas de kangourou en forêt amazonienne, non, comme il n'y a pas de babouin, comme on disait tout à l'heure. Ni de kangourex. Mais par contre, en effet, la forêt des Brudes est bien basée sur une histoire vraie. D'accord. Vrai. Complètement vrai. Sure. On va passer sur, après ce truc sérieux, sur une comédie. Oui. Le film Le Raid. Ah. Alors, en fait, c'est un peu plus au sud. C'est en Patagonie, mais on est en Amérique du Sud. Ouais. Mais franchement, c'est un tel délire. Vous posez votre cerveau au début du film, vous le récupérez à la fin, et vous le laissez passer par le... porté par les délires. Là, franchement... C'est pas la comédie de Danny Boone, hein Ah non, pas du tout. C'est... Alors, Daniel, tu dis, vous posez votre cerveau à l'entrée, vous le récupérez à la fin. Ouais. Il faut peut-être se souvenir d'où on l'a laissé. Ça bon, peut tu être mets, pas mal. Tu mets un grand panneau avec une grande pancarte. Ici, ici j'ai le cerveau. Voilà, c'est ça. Et avec un peu de chance, tu sauras encore lire. Avec un peu de chance. Ou alors, tu peux faire une réintégration automatique du cerveau. D'accord. Tu peux encore opter pour cette formule-là. Hein. Ok. Alors franchement, bon là, je vous dis, c'est l'histoire d'un raid avec des quatre jeunes de banlieue qui sont, par erreur, tout à fait par erreur, embauchés pour tuer une riche héritière. Et ils veulent faire le boulot parce qu'il y a 4 millions de dollars à toucher. Là. Ah, donc ils vont la forcément. Tuer, ils vont lui faire bouffer des cacahuètes. Ils vont vouloir la tuer. Ah. Voilà. Ils vont vouloir, j'insiste bien dessus. Ouais. Voilà. Mais vont-ils y arriver, hein, ça, oh bah ça après, regardez le film, oui. Hein, bah, je vous parle juste, j'essaye de vous mettre l'eau à la bouche, hein, je n'en fais pas plus. Ou la main au portefeuille, c'est selon. Bah ça, vous pouvez la mettre et puis me donner les billets, ça y a aucun problème. Hein. J'accepte l'attendais. Aussi les chèques, pas encore les cartes de crédit, parce que ma banque m'a pas donné l'autorisation. Les travelers chèques, comme toi. Et pas les travelers chèques, ça c'est autre chose. On retourne faire un tour avec Delors. De l'or. C'est l'or, monseigneur. Ouais, alors après le chercheur d'or, les orpailleurs, nous allons parler carrément de 600 kilos d'or pur. Ouais. C'est quand même. C'est quoi, c'est Maya? Non. C'est encore un film français, alors donc on est vraiment obsédé par l'or en France. Hein, oui. Ouais, y a aucun problème. C'est l'histoire de quatre hommes et une femme qui s'attaquent à une mine d'or. Bon, cette fois-ci en Guyane, mais il y a la forêt amazonienne aussi en Guyane. Oui. Et ils s'emparent de 600 kilos d'or pur en lingots. Eh ben, ils sont riches. Ouais, ils sont riches. Oui. Oui. Ils fuient en hélicoptère. Et ils se scratchent. Je ne dirai pas plus, mais ils se scratchent, en effet. Et là, à 5 personnes, va transporter 600 kilos d'or à dos d'homme. Ouais, c'est chaud. Ça fait 120 kilos chacun. Ouais. C'est chaud. C'est pas très survie. Ouais, en pleine jungle. Tu vas vite les larguer. C'est ça. Ouais. Le mieux, c'est de les enterrer et de revenir plus tard. Plus tard, ouais. Voilà. Je pense que tu aurais pu être conseiller du film, mais dans ce cas, il aurait pas duré 1h30 ou 2h. Il aurait duré 20 minutes, hein, le film. Enterrer, on va venir le chercher plus tard. Voilà, c'est ce qu'ont dû faire les Dalton. Ouais. Et ils comptaient sur Rentemplant pour le retrouver. Pour le retrouver, oui, c'est ça ce que je pensais. Il y a un film que j'aime beaucoup aussi qui est Le Jaguar. Ouais. Encore un film français. C'est vrai qu'il est bien. Un film d'espionnage. Pas du tout. Perdu. D'accord. Pas du tout. Un film sur un animal, le jaguar. Non. Oui, il y a une histoire d'animal, mais c'est pas lui. C'est encore la forêt amazonienne qui est en vedette. C'est un film d'ailleurs avec Jean Reno et Patrick Bruel. Il a fait des films, lui. Oui. Bien sûr. Putain. Ok, c'est vrai. Il est déjà pas doué en chanson, mais alors en film, c'est pas mieux. Hein. Ouais, je veux bien croire ça. Ouais. Le film, il y aurait un film La Valse des petits pains, tu le regarderais au moins. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Non, il y aurait un film La Valse des petits pains pour un boulanger. C'est ce que je fais quand je mets ma pelle dans le four et que je prends des petits voilà, pains. Voilà, c'est ça. D'accord, ouais. C'est peut-être un film documentaire, on n'en sait rien. Mais... Peut-être. C'est l'histoire de Wanou, un chef indien d'Amazonie qui est reçu à Paris. Pour préserver la forêt amazonienne. D'accord. Il y a une scène. Ouais. Alors pour ceux qui connaissent le film, il y a la scène célèbre de l'ascenseur dans l'hôtel de Crillon à Paris, où le chef indien est avec son interprète. L'interprète c'est Jean Reno et il rencontre Patrick Bruel dans l'ascenseur. À ce moment-là, le chef indien Wanou, on va dire, il crée un lien avec Patrick Bruel. Sauf que Patrick Bruel, c'est un flambeur, un joueur invétéré, il a rien à foutre de quoi que ce soit, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est le pognon et le jeu. Ouais. Et l'autre, il est ultra engagé. Voilà, et donc il va se retrouver quand même embarqué dans une histoire pour aller dans la forêt amazonienne où il se passe un certain nombre de choses. Et là, parce vraiment... qu'il y a quoi la forêt amazonienne ? De l'or ! Oui. Oui, et c'est là où il se passe vraiment, il y a tout l'intérêt du film. D'accord. Avec les événements, donc la préservation de la forêt amazonienne et de tout ce qui est un peu mystique. Là, on retrouve un peu de mystique dans la forêt d'Emeraude, mais là, on le voit encore beaucoup plus. Attends, moustique. Il y a aussi des moustiques dans la forêt amazonienne. Et ça nous a pas dit s'il y avait Mystique des X-Men. Non. Oui, j'étais en train de me dire. Mystic River. Il y a aussi film ouais. de Clint Eastwood, non? Je connais pas. Je connais pas non plus. Si, et je Daniel connais de nom. Je connais de nom. Mais j'étais en train de confondre avec un autre film aussi. Daniel, histoire de rêve. Tu veux qu'on passe une musique le temps que tu réfléchisses? Ah oui, parce que là, franchement, j'en ça peux plus. Ça suffira pas. Au moins le temps qu'on refroidisse le cerveau avec de la glace. Ce qu'on retient de l'Amazon, c'est que techniquement ça fait rêver, on en parle beaucoup, bah, on l'idéalise. Ouais. Enfin, on l'idéalise. Bah si, parce qu'on y trouve de l'or apparemment. Oui, bah, c'est ça, apparemment on trouve de l'or. Mais c'est parce que c'est une terre assez inexplorée, entre guillemets. Ouais, c'est ça. C'est ouais. censé être le poumon de la planète, entre autres, non? Parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Ouais, mais en ce moment, le poumon, on est en train de le bah, on fume, hein, ouais. quoi. Ouais. Ouais, ça, ouais. On l'enfume même. Ouais, ouais. Mais bon, c'est. Oui. Ouais. Donc après la musique, on va voir ton quiz, Teddy. Oui, et c'est vos cerveaux qui ouais, vont fumer. Qui vont fumer. Donc après Elvis avec deux filles, donc c'est un bootleg. Oui. Warwick, Ghetto, sur une des stars. Ouais. Ouais. Les... Pika. Pika. Pika. Pika. Pika. Bon, laisse tomber Pikachu, je vais le faire. Pika Avenger sur Indestar, de 21h à 23h. Pika. Oh. Jusqu'à 23h30, enfin comme d'habitude à peu près. Oui. Jusqu'à force... C'est habituel, la demi-heure PK. Oh, ça va, il est à peine 23h. Oui, ça ouais, va. Allez. On est encore là. 10 minutes, ça s'est plié. On est au chaud, c'est bon de le dire. On est encore large pour attends. Le quiz. Ouais, c'est attends, ça. C'est trop tôt, faut qu'on fasse un sujet, là. Oh. Moi, je trouve que ça, avec cette chaleur, c'est bon. C'est vrai, ouais, c'est vrai que si... là, ici, dans le studio... Ouais. ouais, je préférais oui. qu'on passe après un petit peu de temps autour d'un petit verre. Si vous voulez un soda, venez à Indestar. Ouais. C'est très avec bien. Le soda. Avec le soda. Avec le soda, ouais. Et des glaces à l'eau, et, ouais. et vous serez la bienvenue. Et des glaçons. Oui. Alors, ce qui est la bienvenue aussi, c'est bah, le quiz en fin d'émission, hein, comme à chaque fois, j'ai envie de dire. C'est un habituel. On change pas une équipe qui gagne. Alors si, des fois, on change d'équipe, mais... mais c'est rare. On change pas le concept. On change pas une équipe qui perd. On change pas une équipe oui, qui aussi. Perd. Bah, faut dire qu'on n'a pas le choix. Hein. C'est ouais. vrai. Un quiz avec 5 questions qui concernent évidemment la nature, donc le thème de ce soir. Bon, on va voir si vous connaissez bien la nature. Non. Non, c'est vrai. Je sais pas, on verra bien. Personnellement, on n'a pas été présenté. Hein. Dame Nature, je connais pas. Le 1er mai, Kevin, on offre du. Du pastis. Le truc avec les clochettes blanches. Du... Ah, la fée clochette. Mais non, attends, je pense à du gui, mais non. Non. Non. Ça va être dur, Kevin. oui, ça va être dur. Oh, oui. Ça chauffe. Du muguet, Kevin. Ah, c'est le muguet. Ouais, ouais. Tu sais, les petites clochettes blanches. Oui, on en a. Ouais. Je sais pas où non, il est, mais. Non, on en a pas. Non. Non. Ah, tu sais, c'est j'en ai, ouais, j'en ai c'est pas apporté. Non, c'est quoi, non parce que le muguet, ça fait un petit peu de temps qu'il est fan et ouais, oui. aussi il est souvent très en avance. Ouais. Non, j'ai apporté du mimosa, ah, bah, les, ouais, mais séché parce que c'est plutôt en hiver que oui. ça vient. Mais moi, je l'ai laissé dans un coin. J'avais même laissé l'eau dans le pot jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Il a séché sur place, impeccable. Sinon, c'est un peu difficile à trouver en ce moment. Et j'ai apporté bah, toutes sortes de roses, des oui. épis de blé, ouais, un peu de tout. Mais pas de muguet. Non. Non, j'aurais pu vous apporter les feuilles, je les ai encore, mais là, les clochettes... T'as pas de baies, par hasard, des baies de muguet. Des baies. Oui, parce que ça fait des baies, le muguet. D'accord. Après non, clochettes... ça, je suis pas d'accord, c'est les moutons qui font baies. Les moutons font baies aussi. Ah, et donc, le muguet, il fait, pas baies, il fait des baies. Ah. ces baies, elles peuvent provoquer des arrêts cardiaques. C'est l'une des plantes... toxique par chez nous. Assez, ouais. Ce qui est assez étonnant, c'est que ce symbole qu'on touche à tort et à travers le 1er mai est très toxique. Enfin, de toute façon, il y a pas mal de. Mais de ouais, symptômes. Clairement. D'après vous, il faut en manger combien de CB pour avoir la chance d'avoir un arrêt cardiaque? Est-ce que c'est une, 3 ou du coup 13? Allez, 3, 13. Dis donc, ça fait une grande amplitude. Ça fait une grande amplitude. ça fait une grande et des fois ça fait une pâte si grande que ça, tu vois. C'est ça. Et en même temps, qu'est-ce que tu considères une, c'est-à-dire on mange les deux feuilles avec la tige et les clochettes, quoi. Juste une baie. Non, juste une baie. Et... Ah, tu veux dire c'est les clochettes que t'appelles des baies ou quoi? Parce qu'il y a... Avant que ça devienne des clochettes, ça doit être des baies, je pense. Bon, non, parce que normalement les baies, ce sont les fruits. Les fleurs sont avant les fruits, de toute façon. Je vais pas vous mentir, je ne sais pas ce que c'est qu'une baie de muguet. J'ai toujours vu les baies. Oui, de toute façon, la baie, c'est le fruit. Donc je ne vois pas où est-ce qu'il y a des baies. C'est étonnant, mais je comprends qu'après des fleurs viennent des fruits, sauf que c'est vrai que le muguet, ça a tendance à faner et tomber. C'est ça. Donc, pour nous, c'est tellement commercial que j'avais peut-être jamais vu au final de stade. Ça pousse et ça meurt. C'est hyper toxique. Jamais en entier. Ça, c'est sûr. Donc, bon. Non, mais oui, ce qui est très rigolo, c'est que le 1er mai, t'en avales, t'as l'arrêt cardiaque, donc t'as l'arrêt de travail pour le lendemain de la fête du travail. C'est vrai. C'est vrai que oui. Alors d'après toi, Daniel, t'as combien? Moi, de toute façon, je suis pas gourmand, j'en ai qu'une. Moi, j'ai pris le minimum parce que je sais que c'est hyper Kevin, toxique. Une. Ah, bon, bah, je donne pas de points alors. C'est 3. Ah une, oui effectivement, ça suffit pour un enfant. Mais c'était un adulte que je voulais parce qu'on. Ah mais il a pas précisé, hein. Le bâtard. Mais je pense qu'effectivement ça doit être genre si tu manges une clochette, donc c'est assez petit, on doit pouvoir intervenir. Non mais c'est ça, un enfant qui en mange une ou deux, arrêt cardiaque. Un adulte 3 ou 5 maximum. Alors 13. Super quick. On est déjà mort. Sachez qu'encore, c'est pas une plante genre qui va faire des graines en forme de haricot, parce qu'il arrive des accidents fréquents avec la glycine. Je sais pas ce que c'est que la glycine. Ah ouais. Oui. Et cette plante qui, quand elle a fait ses fleurs, en fait, après fait des haricots et ça fait des graines. Et en fait, la glycine, les enfants c'est pas qui un jouent. Truc japonais, ça. Je ne sais pas d'où ça vient à l'origine, mais en tout cas, on en a plein partout. Ce sont des choses qui sont très très couvrantes, et en fait, tout est toxique dans la glycine. C'est et il arrive, et il arrive des accidents fréquents avec les graines parce que les enfants ouvrent les haricots et les mangent, et c'est hyper toxique. Et ouais. C'était une plante. Je sais pas si c'est les glycines. Ouais, parce que les glycines au Japon, c'est des fleurs en fait. Enfin, c'est un. Ça fait des fleurs sur une grappe, si tu veux. Oui, ouais. Et c'est au-dessus d'eux qu'ils les mettent. Ça fait des trucs roses de base. Oui, il y a beaucoup de roses, mais tu en trouves aussi des blanches. Mais ouais, c'est assez fréquent, rose, violet. Ouais. Moi, il y en a plein dans ma rue. Et des gens en ont qui couvrent leurs murs. C'est vrai que c'est super. Dans le folklore japonais, ça repousse les esprits malveillants, les yokai. Ah bah, tu parles, s'ils mangent les graines, c'est normal. Bah, c'est ça. Et bah, c'est pas faux. C'est bien qu'on précise en fait, parce qu'on a parlé toujours de la nature, c'est beau machin truc, mais il y a beaucoup de choses. La nature est sauvage. C'est beau parfois à regarder, à sentir, mais pas forcément à ingérer quoi. En parlant de beau, vous connaissez l'univers Harry Potter? C'est sympa l'univers visuel et tout. Ouais, alors là, pas t'as du Daniel. Tout. Oh merde. Ah oui vraiment. Donc si je vous demande de citer une plante au hasard de l'univers. Ah ouais. Je suis sûr des gars qui n'ont pas vu Harry Potter. Cindy. Alors, si. Dans, attendez. Sa potion, il met un truc basique. Mais avec la sauge. Non. Même pas de sauge. Non. Cindy, si tu nous écoutes, on est désolé pour toi. Tes oreilles saignent, tu as envie de répondre. Tu peux nous répondre d'ailleurs au 09 70 407 306. Nos oreilles suent en ce moment. Oui, c'est ça. Plus que, ouais, alors, je sais qu'il y a un animal qui porte le même nom qu'une herbe aromatique. Vas-y, balance. C'est pas le basilic, un truc comme ça? Oui. Ah, tu vois, je sais quand même quelque chose. C'est un gros serpent géant. C'est un gros serpent dans la chambre des secrets, il me semble. Oui. Je sais que le héros s'appelle Harry Potter. Oui. Ah, et qu'il y a Hermione et Piron. Le méchant s'appelle Voldemort. Ouais. Donc si je vous parle de Saul Cogneur, par exemple. Non. Si je vous parle de Mandragore. Non. Si je vous parle de Branchiflore. Non. Ça, c'est un Pokémon, ça. Non. Encore une couleuvre. Boostiflore, oui. C'est Boostiflore le Pokémon. Oh, j'étais pas loin. Hein. Boostiflore et Empiflore. J'avais la moitié du mot. J'en ai cité que 3. Voilà, il y en a plein d'autres. Parce qu'évidemment, comme ils concoctent des potions, ils ont beaucoup d'ingrédients. C'est pour ça que je vous disais un petit peu de sauge. Ça agrémente. Oui, on est régulier. Ça aurait été moment. Marrant, la sauge. Oui. Pour le moment, on est régulier. Tous les 3-0. Ouais, c'est une parfaite égalité. Mais c'est ça. Moi, je suis surpris parce que je me disais sur Harry Potter, Kevin, il va savoir. Mais non. Je déteste Harry Potter. J'aime pas. Oui, mais moi, j'ai surtout pas envie de suivre le mouvement. Bah, tu sais quoi, il va peut-être se rattraper sur la question sur les jeux vidéo. Ah oui, ça c'est celle où je suis mauvais parce que je connais que dalle. Mais des fois je trouve la bonne réponse parce que je prends le truc bizarre. Eh bah écoute, va savoir parce qu'il y a 3 propositions de réponse. Le jeu vidéo en question, ça s'appelle Final Fantasy, qui n'est pas si final que ça. Donc j'aime la musique. 15. Moi j'ai dit que j'aimais la musique, on m'a fait découvrir la musique. Final Fantasy, c'est Link, c'est ça? Non, non, ça c'est Zelda. Ah, Zelda, pardon. Non mais j'avais besoin de précision, non mais avec la chaleur qui est ici c'est normal, on se trompe. Donc Final Fantasy 15, donc ça veut dire qu'il y a 15 jeux avec des histoires toutes différentes. Par contre tu retrouves souvent des trucs, des éléments dans tous les Final Fantasy. Notamment une créature qui s'appelle le Behemoth, des bombos, des créatures comme ça. Des que tu retrouves. Ça explose mais c'est pas pareil. Et tu retrouves une autre créature Daniel. Qui ressemble à un cactus. Daniel. C'est un petit cactus qui court partout et qui t'envoie une attaque qui s'appelle mille épines dans tous les jeux quasiment. Excellent. Est-ce qu'il s'appelle, petit A, Cacnea? Ça, c'est pour toi. Ça Kevin. Sent la maladie. Petit B, le Pampa? Ou petit C, le Pico? Le Pampa. Ouais. Le Pampa, ça désigne autre chose, ça. Oui, c'est vrai que ça désigne autre chose. Donc, d'après vous, le Cacnea, le Pampa ou le Pico? Dans Final Fantasy, le petit cactus. Nous avons Thierry avec le Pico. Nous avons Daniel avec le Pico. Ouais, j'ai trouvé que c'était sympa le Et Pico. Et nous avons Kevin avec le Pico. Ouais. Alors, soirée nulle. Ouais, clairement, ça va être une soirée de triple zéro. On fait une Jolane, soirée Jolane ce soir. Soirée Jolane. Les cactus dans Final Fantasy, ça s'appelle les Pampas. On n'a pas regardé le même, je crois. Parce que moi, il s'appelait Pico hein, chez moi. Hein. Mais sinon, c'est quoi la Pampa? Quand on parle de la Pampa, si ça se trouve, c'est une haie de cactus. La Pampa, c'est la une. En Argentine. C'est pas une plaine. Comment expliquer ça? Je vais chercher sur internet. Non, mais la Pampa, c'est comme. Tu trouveras peut-être plus une définition. C'est quelque chose d'assez plat, hein, clairement. Type plaine, mais c'est pas aussi verdoyant qu'une plaine. Mais c'est un rapport avec la nature. Oui, bon. Oui c'est clairement. Ça, voilà. C'est comme les picots. Par contre, il va falloir que je refasse des Final Fantasy, vu que ça fait trop longtemps que j'en ai fait là. Je pense. Il y a aussi une autre créature qui revient souvent, le Tomberry par exemple. Très souvent, peu importe, on s'en bat les couilles. Voilà. Ça fait zéro. Oui, ça fait toujours zéro, c'est ça. Ça fait toujours zéro, c'est ça qu'il y a à retenir. Attention, question scientifique un peu pointue. Pointue si on veut. Un peu ou beaucoup? Bah, du coup, vu le niveau du reste, ça va être un peu beaucoup. D'accord. Mais ça peut être pas mal à savoir. Parce qu'on est carrément nul ce soir. Ouais. Le. Attention, accrochez-vous au basket. Glycoside cyanogène. À tes souhaits. Quand il est ingéré, donc mis dans la bouche, hein, il se transforme en poison. Alors d'après vous, déjà, est-ce que quel poison? Vous le connaissez, je vous assure. Et à la rigueur, si vous trouvez pas quel poison, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'on le trouve? Dans la nature, attention. Parce que si vous avez compris le poison, ouais. Ouais. Ouais, alors c'est une faute d'orthographe. Je sais pas si c'est éliminatoire, Kevin, mais. c'est effectivement, le poison, c'est le cyanure. Le cyanure, tout le monde connaît. C'est assez toxique hein, pour les humains. T'en as gère, je vais pas dire un gramme, parce que un gramme, t'es mort. Mais. Je sais pas, un milligramme peut-être. Certainement une très petite quantité, puisqu'on cachait ça dans les dents. Souvent, les assassins. Pour se tuer, pour se suicider, tu utilisais des dents en cyanure, tu craquais ta dent. On doit voir ça dans les James Bond aussi. C'est ça. Donc oui, c'est du cyanure. Pourquoi je vous parle de cyanure maintenant? Parce qu'on en trouve à l'état naturel. Oui, bien sûr. Évidemment. Notamment dans ton quiz. Dans mon quiz. Oui. Dans certains fruits. Oui. Oui, j'en ai chez moi. C'est possible. J'en ai chez moi où les gens confondent le fruit de la passion avec le fruit de la passiflore. Un fruit orange en c'est fait qui pousse sur un truc qui pousse comme des très comme des lianes et en fait c'est une forme de fruit de la passion, sauf que déjà c'est pas très très bon et c'est chargé de cyanure, donc faut pas en manger beaucoup quoi. C'est pas dans la chair qu'il y a le cyanure, c'est dans les noyaux. Vous allez me dire, les noyaux d'abricot. Les noyaux d'abricots, les noyaux de cerises, les noyaux de beaucoup de choses. Ouais, parce qu'il y a eu des accidents, parce que les gens récupéraient les amandes de noyaux d'abricots, disant tiens, ça donne un petit goût dans les conserves et tout, ils en mettaient trop. C'est ça. Ou il y a des gens, ils les écrasent pour faire de la poudre, pour agrémenter leurs aliments. C'est vrai que ça ressemble à des amandes, mais attention. On s'en met pas. Faut pas trop en manger. Tu peux faire avec les amandes de potiron, mais. Ça, je sais pas. Si, tu peux. Non, je sais pas s'il y a du cyanure. Non, mais tu peux en manger, je veux dire. Oui, si tu veux manger parce des amandes. Je l'ai pas vu dans la liste. Donc, techniquement, s'il y est pas, c'est qu'il y a pas. Ouais. Mais oui, le cyanure. Par contre, justement, en parlant de cyanure, de poison, je reviens sur l'Amazonie. Il y a des peuplades, justement, d'Amazonie qui maîtrisent pour la chasse. Pour la fin médicinale. Non, et pour la chasse aussi, pour paralyser les bêtes qu'ils chassent. Ils prennent les grenouilles et ils enduisent leurs flèches. Enfin, ils caressent les grenouilles avec leurs flèches. Par contre, ils tirent ça à la sarbacane. Il y a eu un événement. On n'est pas resté à zéro point. Oui, et vous avez tous un point. Oui. Et à chaque fois, on a donné la même réponse, sans le faire exprès. Oui, c'est ça qui est fort. Mais de toute manière, vous allez être départagé par la dernière question. D'accord. Alors, ça va être Thierry ou Daniel. Chocolat. En d'autres mots, c'est éliminé d'office, quoi. Je pense que vu la musique que ça va être, oui. D'accord. Oui. C'est Théo qui m'a donné l'idée de cette musique. Vous allez devoir deviner le titre ou le groupe. J'ai déjà oublié le groupe, je crois, donc ça va être le titre. je demanderai à Théo, mais ouais. J'ai une musique pour vous. Essayez de deviner qu'est-ce que c'est, qui c'est, qui chante. D'accord. Bien sûr, ça a un rapport avec la nature. Alors ça, c'est la pub. Ça commence comme ça. Ça sature. Même pas. Approche-toi petit, écoute-moi. Ouais, je connais. Je vais te raconter l'histoire. Je connais, je vais t'écrire le titre. Lui, vas-y, vas-y. Au début, c'était bien. La nature. Putain, je connais aussi. Pas de chemin. Puis l'homme a débarqué. Oui, je connais. Par contre, tu aurais pas trop derrière le titre. Allez, Thierry, il l'a. Je connais le refrain qui va arriver. Vous connaissez le refrain. Je connais peut-être le refrain, mais là, non. C'est respire le titre. Il faut que tu respires. Tu putain, j'allais dire le refrain. Tu vas pas mourir de rire, etc. Non. Je sais plus qui c'est l'artiste. Théo, j'appelle le. Tu respires. Qui c'est qui fait, qui chante respire. Il faut que tu. C'est Mickey 3D. Ça sert à rien de le dire. C'est pour ça que je pouvais pas le rappeler. J'aurais ouais bah moi je connais Mickey alors. Oui, moi aussi je connais Mickey à Disneyland. Non mais alors, je connais Mickey pas. Mickey hein. Respire. Je connais pas. C'est pas rien de le dire. Je connais pas. De toute façon je connais pas Mickey 3D donc. Pourtant c'est vieux. Ah hein. Ouais. Bah c'est pas parce que c'est vieux que je connais hein. Et même moi je connais. Ouais. Et c'est vieux hein pourtant. Oui. Ça a au moins 10 ans. Pourquoi toi t'en as deux voire plus. Non je sais pas combien. Je sais pas quand est-ce que c'est sorti. Ça fait un moment. Et ça fait un moment que j'avais pas entendu ouais. Non bah comme je te disais, je connais que Mickey hein, le 3D je le connais pas celui-là. C'est, ça fait référence effectivement à la nature. De respirer, de retourner à la nature. L'appel, call the wild. C'est ça. Donc oui, je propose qu'on arrête de l'écouter quand même. Parce qu'il faut qu'on respire. Oui, oui, oui. Il faut qu'on respire hein. Parce qu'on était en apnée là. C'est ça oui. Bah là, on respire, mais de l'air chaud, tu vois. On est en studio, voilà. Ouais. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille dehors. Chez nous. Oui. Voilà, qu'on aille respirer. Voilà. Déjà qu'on dise bravo à Thierry pour avoir gagné, quand même. Ah ouais, oui. Bravo à Thierry, effectivement, on voit avec un score magnifique de 2 points. Alors, je m'étonne toujours de marquer des points. C'est vrai. Et il s'étonne encore plus de gagner, apparemment. C'est ça, ouais. Et je le pensais facile, ce quiz. Bon, bah non. Oui, la preuve. Grave. On n'a même pas eu la moitié des points. J'adore quand tu regardes ma doigt, il y a écrit cyanure et respire. Forcément, si t'as un gerlin. Ah ouais, c'est bien compliqué. Ouais, si tu respires l'un, ouais. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'on va se retrouver même dès demain. Oui. N'est-ce pas, Daniel? Oui, dès demain, oui, on va rigoler sur le travail. On va parler des anecdotes rigolotes, bizarres. Alors, je suis content, j'ai eu quelques témoignages que j'ai reçus. Ouais. Quelques-uns. Et puis, moi, j'en ai à l'appel parce que, bon, c'est. Voilà, il y en a à l'appel. Alors, toujours. Quand le téléphone marche. Voilà. Quand le téléphone marche. Qu'il n'est pas Zaphone, comme on dit. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, si, comme prévu, on a Sofiane et Thomas qui m'ont promis de passer, qui, eux, apparemment, avaient pas mal d'histoires aussi à nous raconter. Oui. Donc, je pense qu'on devrait passer un bon moment. D'accord. C'est prévu comme ça et on le passera quand même. Donc, c'est demain. C'est demain. De 21h à 23h à peu près. À peu près, oui. Oui, parce que le travail met pas trop, donc l'émission met pas trop. C'est vrai qu'on peut le faire comme ça, ouais. C'est là où tout commence et vous verrez après. Ouais. Voilà. C'est pas quand ça se termine. Et vous allez voir ce qui va commencer. Hein. Ce qui a commencé, il y a des fois, c'est extraordinaire. C'est tout comme le lundi, au final. Hein, ouais, le lundi 21h-22h à peu près. Ouais. Voilà, oui, l'émission Starter où on parle évidemment de voitures. Là, j'ai en tête l'émission de la semaine dernière où on a parlé des marques italiennes et de la Vespa, par exemple. Tout ça parce que c'est mon anniversaire et que j'ai une voiture italienne. Ça y est. Ouais, j'avoue. Monsieur veut se la péter maintenant. Mais on fait des trucs, bien sûr. J'ai une italienne. je suis dans le haut de gamme. T'achètes une boîte de pesto, puis ça. On n'a pas la même notion de haut de gamme, à mon avis. Il va nous faire Alfa chier Romeo avec ses pignons de pain, lui. Ah, si tu suis l'histoire d'Alfa Romeo, tu verras qu'il y a quand même une grosse histoire derrière. Je parlais pas d'Alfa Romeo, je parlais de Romeo toi et qui était au Juliette. Ouais, ouais. Je parlais de la personne. Ah, ils étaient trois. Elle était dans le coffre à l'origine. Ils étaient trois, il y avait Alfa Romeo et Juliette. Si tu veux pas moi, c'est pas grave, t'as qu'à écouter le mercredi, le 21h-23h, t'as Actu Solite. Oh non. Aussi. Je préfère le jeudi, moi. Oui, c'est vrai, c'est sûr. Ouais, non, mais c'est tout le monde préfère le jeudi. C'est qu'on est égoïste, en vérité. Parce que le jeudi de l'Ascension, on sera là. Et ça sera une spéciale artiste. Évidemment, on reçoit un artiste qui s'appelle... Il s'appelle comment ? Pierre. PC. Ah merde. Bah Pierre, avec la nature, Pierre. C'est normal oui. qu'on ait un bah Pierre. Oui, c'est ça. C'est notre champion. Ah ouais. Parce que c'est Pierre Champion. Ah, voyons. Yes. Ah. Donc oui, on reçoit Pierre Champion. Vous vous en rappelez peut-être, nous avons fait une émission sur lui au début de la saison. Il y a un certain temps, on va dire, pour pas se tromper. Sur pour Exilium, le lancement, plus précisément. Le lancement de sa BD, donc ce n'est pas un musicien, c'est un dessinateur. De BD. Ou dessinateur tout court, d'ailleurs. Alors, il chante peut-être, mais faux, donc il ne nous fera pas de live. Non. Non, c'est... lui, il ne fera pas de live. En tout cas, il en connaît un rayon, parce qu'il nous avait bien tenu le crachoir, il connaît beaucoup, beaucoup de choses. Non, rien à voir. Mais oui, Pierre Champion revient, évidemment, pour parler de BD. Peut-être une 2, peut-être une autre BD, on sait pas, on verra. Peut-être une 3. N'hésitez pas à écouter. Peut-être une 3, allez, va savoir. On a peut-être loupé des choses en quelques mois. C'est ça, oui, va savoir. Oui. Pierre Champion sera là, nous aussi on sera là, 21h20, évidemment. 3h à Donc peu si près. On n'est pas là, c'est pas pareil. C'est clair que c'est pas pareil quand on est pas là. Non. Quand on n'est pas là, en fait, c'est simple, il y a que de la musique. Oui. Et que de la musique, c'est bien aussi des fois. Quand on n'a pas envie d'entendre Daniel, on met que le... Non mais on a toujours envie d'entendre Daniel. Et si à un moment nos voix vous manquent, et ben vous allez vers les podcasts. Oui. C'est ça, les podcasts sur indestar.fr. Nous sommes toujours là, d'une manière ou d'une autre, nous sommes là. C'est ça. Nous sommes là. D'ailleurs, je remarque que j'influence des gens dans mon cercle de vie, on va dire. J'ai un collègue à moi qui écoute du Lindsey Sterling. Voilà. Eh, c'est beau. C'est vrai, quoi. Je ne connaissais pas beaucoup d'artistes qui passent sur Nestar, mais Lindsey Sterling, je connaissais avant d'arriver. Ah, en même temps, tout le monde connaît Lindsey Sterling. Mais bon, tout le monde connaît pas Anafri, mais Lindsey Sterling. Oh, ce petit inclin de famille. Théo, si tu nous écoutes, coucou. Nous adorons Anafri, quand même. C'est ça. C'était une blague. On va vous laisser avec Elephants. L'histoire à l'envers. L'histoire à l'envers. Après, nous allons avoir Megamix de... Oula, attends. Blanter Co. Enco, j'ai envie de dire. Ouais, je Après, dirais ça. Nous allons avoir Keblin et Oval, son univers, My Universe. Après, Anafri. Et après, Anafri. We don't have to let go. Ah, c'est pour ça que vous annonciez tout. Ah, je comprends. Bien sûr, oui. Parce que j'annonce qu'il C'était va y avoir Anafri si vous êtes fan. Oui, parce que s'ils annoncent toute la nuit... Ouais, c'est ça. Ouais, ça va être chaud quand même. Alors on fait ça, 40 minutes de son dance floor. C'est ça, bah, les super-héros, ils ont une famille. Hein. Ouais, oui, c'est oui. ça, ouais. Allez hop, sayonara, on rentre chez nous. Je rentre à ma maison, comme dirait Carpal. Salut, ouais. salut. Salut tout le monde, puis bah, la semaine prochaine, évidemment. E.T. téléphone maison. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.